Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millenial, le podcast le plus rempli de caméos de la galaxie. Je suis Grushkov, le capitaine de ce fringant vaisseau, et je serai accompagné aujourd'hui de Tuki. Coucou. Matt. Coucou. Ximnut. Salut. Adrien. Salut. Et Funeli. Coucou. J'ai pas oublié de vous mettre sur la piste d'enregistrement, est-ce que c'est pas merveilleux ça? Entre le 30 octobre et le 18 décembre, nous avons tenu The Millennials chaque semaine pour revenir sur les épisodes de la seconde saison de The Mandalorian. Et maintenant, nous revoilà avec cet ultime épisode pour faire un retour sur toute la saison, maintenant que nous avons pu la digérer un petit peu. Du coup, on va faire peut-être un petit tour de table pour voir si vos avis ont changé depuis la dernière fois. Du coup, on va refaire dans le même ordre, Tuki. De quoi ? Est-ce que ton avis a changé depuis la dernière fois ? Non. D'accord. Merci pour ta rapidité. Matt ? Non, toujours satisfait. Ximnut ? Toi, oui, Ximnut, on t'a pas entendu du tout. Ça y est, c'est le retour de Ximnut après tellement de mois à être mis sous le tapis. Il était puni, t'es au coin. Bah ouais. Ça lui empêche de parler. Oui, vas-y. Tu peux parler maintenant. Alors moi, je trouvais que la série avait l'avantage de finir sur une bonne note, donc finalement, j'étais content à la fin. C'est vrai que ça a mis un peu du temps à prendre, disons. Donc, mais c'est vrai, justement, voilà, à la fin, j'étais content. D'accord. Après. Titre. Gros goose fait enlever par Luc. Ah, je suis content. Ça se oui, bien. Pardon, on n'a pas dit, mais ça va être avec spoilers. Oups. Non, c'est écrit dans le titre normalement. Si vous avez cliqué sur le truc avec marqué avec spoilers et que vous vous faites spoiler, bah faut les camper pour vous. J'ai rien dit moi. Adrien, bah tout le contraire de Ximnut en fait. Hein. Vraiment, la fin, j'en ai pas du tout été satisfait et j'ai encore un peu de mal aujourd'hui alors qu'il est par rapport à ça. Bon, je revis pas un deuxième tross, mais c'est quand même assez compliqué. Même si globalement la saison je trouvais plutôt bien, mais quand même beaucoup moins bien que la première. Ouais, t'as pissé dans la soupe tout du long toi en même temps. Et bah toi écoute, tu as bu la soupe. Voilà. Et c'est pour ça qu'il nous avait manqué, Ximnut, vous voyez. Et toi Funeli alors? Pour moi, mon avis n'a pas vraiment changé. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé la saison. C'est un peu inégal, il y a des trucs que j'ai moins aimé, mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif pour moi. Merci. Et toi, Grushkov ? Je sais pas, on va voir au long de l'émission. Non, en vrai, moi, j'ai mes trucs, moi, que j'ai vraiment pas du tout aimé, mais comme c'est pas la fin, ça passe. Même si à la fin il y a des trucs que j'ai pas du tout aimé, mais bon, faut faire avec. Des fois, on a pas forcément ce qu'on pensait. Et des fois, il y a des trucs qui se passent et c'était exactement ce que tu voulais pas qu'il arrive, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Super long titre. Oh oui. Et pourtant, j'en suis déjà au cinquième épisode. Du coup, on va peut-être faire un petit tour des points forts et des points faibles de la série, selon nous. En tout cas de la série j'ai marqué, mais en fait c'est de la saison hein. Parce qu'on avait déjà parlé de la saison 1 et puis on va peut-être pas en reparler pendant 3000 heures, ça ne veut rien dire, 3000 ans, voilà, ça veut dire quelque chose, tu vois. 3000 heures ça se dit pas, mais 3000 ans ça se dit, je crois que c'est beaucoup 3000 heures. Et du coup on va peut-être commencer par parler de Din Djarin. Qui c'est Din Djarin? Le BF, c'est chocolat et caramel là, le Din. Bah vas-y, continue. Oui, bah, il y a même des fois on met dans les glaces au McDo. J'arrête là. Vas-y, pardon. Non, mais voilà, Din Djarin. Est-ce que ça fait partie pour vous des points forts ou des points faibles de la saison? Moi, je l'ai mis dans les points forts parce que. Il a une vraie progression. Beaucoup. C'est une des grandes réussites. Est-ce qu'il en a une plus forte que dans la saison 1? Je dirais que c'est à peu près égal en termes de progression, mais c'est plus. Ça représente plus au niveau de son personnage. C'est plus, ouais, c'est plus visuel déjà. Ouais, il était, je l'ai trouvé poignant. Mmh. Ouais, ouais. Ah. Et du coup, il continue sur cet arc qu'on avait vu en fait, où il apprend en fait à s'ouvrir aux autres et tout, et peut-être aussi à revoir certains dogmes qu'il avait appris tout au long de sa vie au sein de son clan de Mandalorien. Et ouais, pour le coup, la saison, elle commence par un épisode qui fait un peu... qui donne un peu l'impression, oui, que c'est le best-of de la saison 1, mais aussi c'était bien pour replacer les bases, de voir un petit peu comment il était. Son truc de « Ah bah, si t'es un Mandalorien, si t'es pas un Mandalorien, t'as pas le droit d'avoir l'armure. » Et d'ailleurs, même à la fin, il se barre quand même avec, alors que, clairement, Cobb, il avait... enfin, il méritait de la garder, au final. Hein. Il avait, oui. Il aurait dû la garder, mais non, il était pas assez... assez avancé changement personnel pour lui laisser le truc. Et en fait, c'est ça, toute la série, c'est il va à chaque fois rencontrer des personnages qui vont le challenger par rapport à ses idéaux, jusqu'à, dans l'épisode 3, rencontrer Bo-Katan, qui... alors, tu lui défonces son monde. Bo-Katan qui est, donc on rappelle, Funeli, c'est... bah, du coup, c'est la sœur de Satine qui était... c'était quoi le terme qu'ils utilisaient sur Mandalore ? Je sais plus. C'est pas de duchesse, non ? La stèle, ouais, c'est ça, duchesse. Et du coup, Bo-Katan a été régente de Mandalore juste avant que l'Empire arrive, en fait. Mm-hmm. Donc... elle pèse dans le game des Mandaloriens, quoi. Ouais, ouais. Et elle a déjà eu, en plus, un objet qu'on avait vu à la toute fin de la saison 1, qui revient dans cette saison-là, qui est le Darksaber, qui a été créé par Mandalore the Great. Et en gros, celui ou celle qui possède le Darksaber, en fait, est considéré comme le dirigeant légitime. Voilà, ouais. de Mandalore. Et du coup, on avait vu à la fin de la saison que c'était Gideon qui l'avait. Et elle a son propre arc aussi par rapport à ça. Très petit arc, mais quand même un petit arc, parce que voilà, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était elle qui était en possession, c'était dans Rebels. Donc c'était presque couru d'avance qu'elle viendrait dans cette saison-là. Mais en plus de ça, elle a son propre... Enfin, elle a son propre arc et elle est importante par rapport au développement de Dean, qui se rend compte que, quoi, attendez, vous êtes des Mandaloriens, mais vous retirez votre masque. C'est toujours aussi drôle de le voir réagir quand ils enlèvent leur masque devant lui. Il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces Mandaloriens, là, c'est Elise Moon dans Kaamelott, là, et il fait « Hérétique !» Direct, il leur dit qu'ils sont pas Mandaloriens. Il en a rien à foutre, lui. Direct, il veut leur enlever l'armure. Ouais, c'est ça, il leur dit direct un truc du genre « Où est-ce que vous avez eu votre armure ?» Ouais, oui, tout ça, poil. Enlevez-moi, enlevez-moi ça, je récupère, je prends. C'est vraiment un bébé, hein. Il me fait vraiment trop marrer. C'est super. Hein. Et oui, donc, bah, c'est un bébé très longtemps. En plus, ouais, il rachète après. Hein. Il dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, je me barre. Oui, il se casse. Il se casse avec son bébé. Je prends mon gamin et je me casse. Ah, Oui, parce qu'elle, en plus, elle s'en fout. Hein. Il peut chouiner autant qu'il veut. Elle va pas, plier devant lui. Elle se Bo-Katan en même temps. Ouais, c'est ouais, ça. Elle lui fait, voilà. T'as pas le test. Genre comme ouais. Dans la fin de la saison, c'est... coup de pied retourné avec le réacteur et bam, par terre. C'était quoi? C'était le jetpack tornado DDT. Mais oui, c'est voilà, trop stylé. Voilà. Mais voilà, donc il rencontre Bo-Katan. Ensuite, il rencontre Boba Fett. Boba Fett, vous savez, celui qu'on trouvait tous nul à chier, je crois, sauf Funeli, dans le podcast. Et maintenant, on est tous fans. Enfin, presque tous, sauf Adrien, je crois. Bah, mais, oui. Bon, mais si, moi j'aime bien. Moi, j'aime je sais pas, toi tu râles tout le temps. Pas envie. Parce que voilà, lui aussi il vient et en fait c'est pas pour rien. Il vient vraiment pour aussi continuer ce truc de qui est un vrai Mandalorien, comment ça se... Comment ça se traduit, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que Boba Fett, déjà, il arrive sans son armure à la base, et il montre de quoi il est capable sans son armure. Et ensuite, il la récupère, il montre, vous savez, comme j'avais dit, hein, c'était comme Obama qui il demandait d'avoir ses papiers de naissance, son certificat de naissance, donc lui, il lui montre et tout. Mais regarde, je suis un vrai Mandalorien. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, ça convainc Dean, mais quelques épisodes plus tard, c'est Bo-Katan qui lui dit « Bah non, t'es pas un vrai Mandalorien, t'es juste un clone de merde, c'est genre, oulala !» Tellement drôle, non mais c'est bon, c'est cool, je te connais. Ouais. Il est avec moi, t'inquiète, c'est bon. Ouais. Et c'est intéressant après, de voir que voilà, c'est pas que du point de, que le point de vue de Dean qu'on voit aussi être challengé forcément, et au final ils sont tous obligés de coopérer. Ce qui est bien quelque part pour Boba, on en reparlera tout à l'heure, c'est que en fait Boba s'adresse à la fois au monde à Dean, mais aussi au spectateur en fait simplement. Oui, aussi. Vis-à-vis de son. Comment dire. Pas de sa filiation, mais. Ouais, c'est genre. C'est bon, ça suffit maintenant, arrêtez. Les voilà, vidéos YouTube, trouvait... là, ça suffit maintenant. Arrêtez de vous moquer de moi. Mais autant, voilà, nous, on le trouvait un peu pourri que, voilà, bah, en fait, par ce biais-là aussi. Bah, on le trouvait. Bah, nous, en tout cas, on le trouvait pourri. Bah, il est sympa dans l'épisode 5, mais il sert pas à grand-chose après, quoi, je veux dire. C'était juste un méchant. Voilà, c'était juste un méchant de fin. D'ailleurs, sur ce point-là, est-ce que vous avez vu le truc qu'après la sortie du final, ils ont modifié le générique de fin pour mettre un hommage à Jeremy Bullock, qui était l'interprète principal de Boba Fett, qui est décédé entre-temps. J'avais pas vu ça. Oh, et bah voilà, ils ont fait ça. Comme ils ont effacé la personne en jean qui a fait le tour d'internet, ils ont rajouté un truc à la mémoire de Jeremy Bullock. C'est cool. Ouais. Bien, ouais. Voilà. Pour revenir sur. Parce que là, on s'égare, mais c'est vrai que pour revenir sur Dean en tant que personnage, c'est vrai que moi, je suis toujours assez frappé de la manière dont il arrive à transmettre des émotions alors qu'il a un casque sur la tronche 99% du temps. Oui. Et aussi aborder cette idée aussi, puis le fait que voilà, enfin dans cette saison c'est encore plus fort, je trouve, de ce mm-hmm. point de vue-là. Alors c'est dans la voix, mais c'est même dans quelque la part en fait, c'est dans le. Oui, voilà. Je voulais dire body language, mais c'est presque voilà, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, il y avait un mème qui était assez rigolo que je voyais. C'était dans l'épisode justement où il capture Grogu, et il y a Fennec qui dit à Dean, on dirait que t'as vu un fantôme, et voilà, d'où elle voit ça alors qu'il est complètement recouvert de pied à la tête par son armure. Mais quelque part, oui, on voit que il réagit d'une certaine manière, et il arrive à le faire même en étant complètement caché par son armure. D'ailleurs, il me semble que Pedro Pascal était plus présent sur le tournage ce coup-ci. Enfin, oui. Même sur des scènes en armure, il était plus présent. Bah ouais, déjà, il a plus revêtu l'armure que la... Revêtu la fois dernière. Ah, il nous a fait une... Il était toujours en Mandalorien tout le temps. non, je crois même pas. Je crois même pas qu'il était dans tous les épisodes, mais parce que... Il a dit beaucoup qu'il trouvait ça important aussi que ça garde l'esprit de la première saison, donc il peut pas forcément répliquer la gestuelle des deux gars d'autres qui s'occupaient de faire la gestuelle. Mais oui, il était beaucoup plus présent. Je suis fatigué. Pourquoi il était beaucoup plus présent, c'est parce qu'aussi on voit beaucoup plus son visage qu'il montre dans les deux derniers épisodes. Oh là là. Oui, et c'est là qu'on voit qu'en fait, oui, il a un comportement de bébé. Pardon. Tu disais ? C'était juste une connerie. Non, je disais qu'il y avait une augmentation de 100% de la présence de visage de Pedro Pascal, et ça, on va pas s'en plaindre. Oh, on le voit encore plus hein, que ça, parce qu'on le voyait genre même pas 10 secondes dans la première saison. Non, c'est vrai. Ben, ça fait partie justement de l'évolution du personnage. Que, comme vous disiez, justement, il se pose des questions comme ça. Voilà, il était avec ses potes. Il était avec ses potes intégristes, là, il se demande, hein, est-ce que c'est vraiment la manière de voir le monde? Le mec, il passe même pas un mois sans eux, ça y est, c'est la fête. Il monte sa tronche à tout le monde, il n'y en a plus rien à faire. Bah, c'est surtout qu'il y a un enjeu maintenant. Voilà, et l'enjeu qui y a aussi dans la saison, c'est le destin de Grogu. Grogu dont on apprend le nom à la mi-saison. Comment on se sent par rapport à ça? Écoutez, Il y a bien des gens qui s'appellent Gérard, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Genre... Ah, tu veux dire par rapport au nom en lui-même? Oui, voilà. C'est ça qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Je crois même nous, on a fait la blague, mais genre... Mais oui, mais ça sera toujours bébé Yoda pour nous et tout. Et genre, une semaine après, c'était Grogu partout. Hein, presque plus personne dit bébé Yoda. On le dit encore, mais genre... Il a pris sa place... Déjà, quoi, au niveau du... D'ailleurs, maintenant, quand je regarde l'épisode 1, Anakin, je l'appelle Baby Vador. Mais ouais, en vrai, c'était genre... en même temps, comment tu fais pour genre trouver un nom qui plaît à tout le monde? Je veux dire, un nom, c'est un nom, tu vois. Genre, peut-être les gens... Tant qu'il ne l'appelle pas Kakashias, tu vois. Peut-être les gens voulaient un nom en Y, genre on avait Yoda, Yaddle, alors ils se disent bon ben voilà, il nous faut un nom en Y. Mais en même temps, ça aurait été vraiment con. Ça aurait été trop téléphoné de faire ça. Après, en parlant de trucs trop téléphonés, ça on en reparlera après, mais au moins ça ne l'était pas. Mais oui, Grogu, il a lui-même son petit arc, alors au début c'est un petit peu tâtonnant, mais au bout d'un moment il rencontre un ancien Jedi qui leur dit oui, vous pouvez aller sur cette planète là et tu vas pouvoir aller sur le MSN des Jedi et envoyer des Wiz un peu partout, et du coup c'est ce qu'ils font, et il fait son appel, mais ça prend genre 3 épisodes avant de voir le truc qui porte ses fruits. Mais voilà, Grogu, il fait son truc parce qu'en fait c'était un Jedi en fait. Il avait 50 ans, mais en fait il était pendant la prélogie, je crois sur Coruscant aussi. Hein. Oui, ou bah au temple, hein, simplement, si je me trompe pas. Non, parce que des temples, on en parlera à la Haute République, mais il n'y en avait pas qu'un seul normalement. Hein. Oui, non, bah. Il était dans le temple de Coruscant, on va dire. Comment? Pendant la Haute République, j'ai dit quoi? T'as dit la Haute République? Oui, mais en fait, pendant la Haute République, il y en avait plusieurs, mais je pense que pendant l'époque de la prélogie, il n'y en avait qu'un. Oui, c'est ça, mais c'est genre... Ouais. Voilà, du coup, lui, il était là-bas parce qu'ils étaient tout pourris, et ils ont tout centralisé sur Coruscant. Et du coup, du coup, il était là-bas, il apprenait, et puis c'est comme ça, tu vois, on apprend... En fait, un truc très important de Star Wars, c'est que tu peux vraiment pas avoir des dons naturels avec la Force. Faut être entraîné avant. Et ça, c'était vraiment important. C'est pour ça que l'épisode 5 de la saison, c'était vraiment le plus intelligent et le mieux écrit et le plus intéressant. Pour nous expliquer que Grogu, il s'était entraîné. Mais apprenez-lui justement... déjà à parler avant de l'apprendre à faire bouger. Mais avec vrai, son esprit, bande de coups. En vrai, c'est intéressant parce que justement, grâce à ça, il se connecte aussi un peu plus parce qu'il commence à jouer à attraper la balle avec la Force dans cet épisode 5. Et puis, c'est comme ça que commence l'épisode d'après, il me semble, où Dean il tenait la balle et il disait vas-y Grogu attrape là, et puis à chaque fois qu'il disait Grogu et que le bébé il tournait sa tête, ça le faisait trop rire, c'était trop mignon. Content. Après il attrapait la balle et oh, trop bien. Ouais, mais c'était en fait c'est nous dans cette séquence là, Dean c'est nous face à Baby Yoda, sa réaction. c'est un parent quand il voit son gamin faire un truc qui l'éclate, il fait un truc que tout le monde sait faire, mais ouais, mais c'est la première fois qu'il le fait, ou c'est voilà. Balèze pour son âge, et voilà, c'est ton gamin. Ouais, voilà, en plus c'est le tien. Ouais. C'est là que c'est le drame, hein, parce que c'est il commence à vraiment s'attacher à lui encore plus qu'avant. Avant, il avait de l'affection et tout, il voulait le protéger parce que bah, il était mignon, il était fragile. Et là, il est foutu. Bah, c'est son enfant, quoi. Il le prend vraiment sous son aile et il se le fait voler par Gideon. Et des bionicles. Et pense à... Alors, on voit pas trop Grogu, mais voilà, il va chercher tous ses potes pour le récupérer et tout. Et c'est intéressant de voir qu'à la fin, malgré tout ce qu'il a fait, quand le Jedi vient récupérer Grogu, bah, il le laisse partir malgré tout, parce que je pense qu'au fond de lui, il pense que il a tort, mais il pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour le petit, quoi. Oui, c'est ça. Il en est au début. Voilà, on voit que il commence à révéler son visage, à accepter. Voilà. Bon, il en est pas. C'est pas parfait, mais il commence à accepter des gens qui ont eu des parcours de vie différents, qui font partie des Mandaloriens. Mais il doit pas en être totalement au bout de sa réflexion. Donc sa pote comment elle s'appelle, la forgeron. Je sais pas, ça me semble un peu bourrin comme nom, mais c'est vrai qu'elle gueule la famille forgeron. Voilà, elle lui a dit c'est ça que tu dois faire, c'est ta destinée, donc il n'en est pas à tout remettre en cause, j'imagine, mais voilà, on voit bien que c'est voilà, ça lui coûte, ça fait... Moi, le gros goût de cette saison 2, j'ai bien aimé justement l'impact qu'il avait sur les autres personnages, mais c'est vrai qu'en tant que le personnage en lui-même, j'étais quand même... Ça fait partie des petites choses qui m'ont déçu. J'avais beaucoup aimé, dans la saison 1, la manière dont ils avaient réussi à ménager le côté mignon, et parce que c'est vrai qu'il est quand même super mignon, et ça me faisait beaucoup rire, toutes les petites conneries qu'il fait tout au long des épisodes. Mais ils avaient peut-être un peu moins bien géré le côté mystérieux et quand même source de questionnement pour les gens qui sont autour de lui. Voilà, c'est quoi ses pouvoirs, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Alors que là, ils se sont concentrés sur le côté mignon. Je me demande en fait s'ils n'aient pas une sorte de revers de la médaille du succès du personnage de la saison 1. Ils se sont dit, ils le trouvent super mignon, on va lui faire faire principalement des choses mignonnes. Et lui, je trouve que pour le coup, il n'a pas énormément changé par rapport à la saison 1. Ça reste un bébé. Oui, évidemment. Mais je trouvais que l'équilibre entre les deux, parce que je veux dire, dans la saison 1, il y a des moments où justement, il va prendre des décisions, il va faire des trucs qui vont avoir, même si c'est des trucs qu'il ne réalise pas vraiment. Alors que là, il était surtout à se faire balader et j'étais un petit peu déçu de ça. Je trouvais qu'il était un petit peu moins bien géré par rapport à la première saison. Je suis pas hyper d'accord, parce qu'on le voit quand même, entre autres, le fait qu'il ait caché, on apprend qu'il a caché ses pouvoirs pour se protéger. Et que du coup, sa relation avec Dean, déjà, on voit qu'il le considère de plus en plus comme un père. Et même complètement comme un père, et qui fait qu'il accepte d'utiliser la force en la présence de Dean, genre quand c'est pour le truc de jouer à la balle. Enfin, ça, c'est quand même une évolution qui est assez importante. Il y a aussi le fait d'accepter de partir avec Luke à la fin, que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est important, quoi. Mm-hmm. Non, je vois, ouais. Mais après, rien que ça, là, je suis en train de re-regarder les épisodes. Il y a au moins 3 épisodes dans toute la saison où on voit pas Grogu de tout l'épisode. C'est rien que ça, je trouve que ça illustre bien le fait qu'il était vraiment secondaire. C'est pour ça que j'ai aussi un peu de mal avec cette saison, c'est que Grogu devient de plus en plus secondaire. C'est d'ailleurs complètement accepté. Et canonisé par la fin de la saison. Mais voilà, comme tu dis, Ximut, tu as plusieurs épisodes, où l'épisode 1, par exemple, l'épisode 5 aussi, et 4. Ouais, 4, c'est un peu plus compliqué, mais l'épisode 1, par exemple, de Jon Favreau, de la saison, bah, il est vraiment secondaire. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, il agit pas comme un personnage. Néanmoins, je pense que je suis un peu de David Funeli, dans le sens où je trouve quand même qu'il y a une persistance, et surtout les relations qu'il entretient avec son papa, je trouve ça quand même vraiment bien fait et bien arrangé. Mais de toute façon, si on me demande, il y aura jamais assez de bébé Yoda. Mais, mais c'est pour ça qu'on ne demande pas à aller, hop. De quoi ? C'est pour ça qu'on ne demande pas. Oui, voilà. Après, tu repars pendant 2 heures à faire ton rant sur il n'y a pas de bébé Yoda. Qu'est-ce que ça va être, la saison 3 ? Non, mais le problème étant que c'est une saison qui. C'est une série qui est sur un père et son fils, quoi. Et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait que son père. Mais il avance par lui-même aussi. Ouais, mais. Si vraiment, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais si vraiment la saison. Continue. Il joue de la trompette, là. Si vraiment la saison. Si vraiment Baby Yoda s'arrête avec cette saison-là, je trouve que c'est un gros acte manqué de la part des scénaristes. Mais auquel cas, Grogu marche terriblement bien. Il y a des scènes avec lui qui sont vraiment extraordinaires. La petite scénette qu'on avait vue dans la bande-annonce où justement il se cache dans son petit landau pendant que Din tabasse les gens dans un ring, c'est très drôle. Et même la séquence où il mange les petits biscuits les bleus là, dans l'épisode 4, ça marche super bien. Et pareil pour l'épisode avec la Frog Lady où justement il découvre ses petits bébés tétards et il se lie d'amitié avec, on peut le dire, je pense, bébé à bébé. Et c'est absolument adorable, ça marche bien et ça veut dire beaucoup d'un point de vue du personnage. Ouais. Est-ce que tu serais pas en train de dire qu'on le voit moins souvent mais que ses apparitions sont meilleures ? Ça dépend des épisodes. Parce que moi, je l'ai trouvé l'épisode mieux que dans 1, la saison. Bof. Oui, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Intéressant que dans la saison 1, même si on le voit moins. Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. C'est parce qu'il n'y a pas IG-88. C'est vrai. Moi, perso, je suis pas vraiment d'accord. Je trouve qu'on le voit moins bien et que ses apparitions sont moins intéressantes. Ouais, mais ses interactions avec Dean sont plus pertinentes et font davantage progresser le personnage de Dean. Enfin, les deux, mais surtout... Les deux, hein. Ouais, les deux, ouais. Les deux, je pense. Ouais, oui. Ouais. Dis-toi aussi que si ça avait été comme dans la saison 1, où en fait, quand il y avait des interventions qui étaient un peu effet waouh avec bébé Yoda, c'était des deus ex, genre quand il soigne quelqu'un ou quand d'un coup il fait un truc de la force super balèze. Ça aurait été, je trouve que ça aurait été redondant et trop attendu qu'il fasse exactement ça. Pour le coup, ça aurait été vraiment personnalisé en plus. Non, mais c'est vrai qu'intéressante, c'était peut-être pas le bon mot. Je lui demande pas de soulever des croiseurs et tout, mais je sais pas. Je viens voir ça quand même pour rigoler. Bon, de temps en temps, voilà. C'est vrai que là, pour le coup, le fait, on avait pas vraiment de ça, mais c'est vrai que c'était même. J'aimais bien ce que Dean voyait en lui, la manière dont Dean réagissait à lui, mais lui, dans l'autre sens, je trouve que ça fonctionnait moins bien, C'est ça le truc, c'est que c'est ce que j'allais dire. Et puis même, je trouve qu'ils ont beaucoup moins bien géré le côté marionnette. Ça se voit beaucoup plus que dans la saison 1. C'est vrai ça, par contre. Je suis d'accord avec toi, Ximut. Ouais, genre quand ils se baladent, alors après ils peuvent pas faire des miracles. Hein. Surtout c'est dommage, il a perdu son petit landau qu'il évite là. Je trouvais ça trop cool. Mais je comprends que oui, voilà, quand ça se fait bouffer par un monstre marin, voilà. Il en a pété deux au bout d'un moment. Il en a trois. Il est puni, trois. Putain. Ouais. Là, ça commence à coûter cher le gamin. En fait. Ouais, c'est clair. Ils ont moins bien géré ça. Voilà. Le... Après, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Est-ce que de toute façon c'était pas toujours comme tous les enfants dans ce genre d'histoire, c'est pas, sauf quand ils sont un peu plus grands, mais est-ce que c'est pas surtout un prétexte pour faire évoluer le personnage principal, dont, qui est littéralement le rôle titre, quoi. C'est ça. En tout cas, je crois qu'en faire mon lourd, mais la série s'appelle The Mandalorian, c'est pas. Mandalorian et Grogu. C'est le petit personnage. Oui, mais le but, c'est de suivre le Mandalorien et son évolution. Enfin, mais si l'histoire, c'est juste de suivre un mec qui fait la bagarre, et ça n'a aucun intérêt. C'est pas ce que j'ai dit. C'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la principale, c'était Dean, donc c'est logique que les personnages gravitent autour de lui pour le faire évoluer. Même je veux dire, oui. Tu serais pas, enfin, tu trouverais ça bizarre si t'avais un Star Wars qui se déroulait à 100% dans une petite maison à Charleville-Mézières et qui se passait rien. Bon, oui. Bah là, le truc qui s'appelle The Mandalorian, c'est normal que ce soit plus sur le Mandalorian, quoi, que sur le bébé. Oui, je suis d'accord. Oui. Je peux pas dormir avec Charleville-Mézières, mais je... Non, il y a aucun problème avec ça. Je non, sais très parce que ça s'appelle Star Wars et Charleville-Mézières, c'est ni dans l'espace et il y a pas, enfin, c'est pas la guerre. C'est ce que je veux dire. Encore. Pas que. Ah, attends, j'ai peut-être pas choisi la bonne ville. C'est la première qui est venue en tête, mais. Attends, on est que janvier hein, 2021, donc peut-être que la guerre. Hein, non, mais c'est juste que aussi bien que puisse être Charleville-Mézières et j'en doute fortement. On salue mais... tous les habitants. De... Mais, bah même si c'est très bien, ce serait bizarre que ça se passe. Enfin, merde. J'ai perdu là. C'est foutu. Non mais je suis d'accord, mais en même temps c'est pas, enfin le cœur de la série c'est leur relation, c'est pas tant le personnage en soi. C'est leur relation qui est importante. Oui. Le bébé c'est pas trop plus, grave. C'est leurs interactions. Voilà c'est ça. Et pour le coup ça c'est vraiment beaucoup mieux je trouve que dans la saison 1. Même s'il est pas là pendant tout un épisode, parce que justement dans l'épisode où il est pas là, on en a pas vraiment parlé, mais c'est la première fois qu'il retire son masque devant plein de monde, il ose faire ça justement pour le retrouver. Donc même quand il est pas là, il a un impact gigantesque sur le personnage, c'est ça, et c'est ça l'importance. Cet épisode fonctionne particulièrement parce que justement, comme tu dis, il n'est pas présent physiquement dans l'épisode, mais il est présent mais dans la tête de Dean à chaque instant, à chaque seconde, jusqu'à la fin où Dean va faire un message à Gideon en disant bah, « En fait, tu as quelque chose à moi, je viens de récupérer parce que cette personne-là compte plus que tout pour moi, en fait. » Littéralement, il le dit, tu vois. Et c'est là où justement, je trouve ça dommage, parce qu'on est d'accord que cette relation est au centre de cette série, et je trouve ça un peu dommage qu'à la fin, justement, quand Dean fait le sacrifice ultime d'enlever son casque devant son fils, de se montrer en tant que père pour la foi la plus, en tout cas, la plus marquante, je trouve ça dommage, et même extrêmement triste que ce soit à ce moment-là où ils sont séparés. Ben oui, mais en même temps, c'est pas de te procurer les émotions. Ouais, c'est ça. J'ai... Ouais, mais j'ai vu là, énormément c'est vraiment tragique. J'ai vu vraiment. C'est une hystérie, elle peut pas être. De. Non, elle pas très. Enfin, son but, c'est pas de te récompenser immédiatement non plus. Enfin, je sais pas comment. Non, c'est ça, sûr. On verra comment évolue la série. C'est pour ça que je laisse encore une chance. Mais vraiment, si ça se termine comme ça, entre les deux, je trouve ça vraiment tragique. Mais c'est pas fini. Bah, est-ce qu'on parle de cette fin maintenant ou est-ce qu'on y revient plus tard? Je pensais qu'on y reviendrait plus tard. Oui, désolé, hein, je. Il s'enflamme. Mais à coup de pas. Bah, ça fait partie du personnage de Grogu, donc je comprends qu'on en parle maintenant. Oui. C'est juste pour. Voilà. Mais bon, tu dis personne que... rien. Moi, justement, par rapport à cette fin, et qui, moi aussi, m'a rendu triste, hein, effectivement, mais je me disais que, même si, voilà, évidemment, j'aurais bien aimé que... Moi, j'espérais une fin où Grogu disait, bon, bah, écoute, non, je vais, voilà, je veux pas faire comme ça. Mais c'est vrai que je vois plus ça du point de vue de Luke. On a un Luke qui est qui sort de sa victoire contre l'Empire, qui a qu'une idée en tête, c'est de recréer l'ordre Jedi, et la seule piste qu'il a, parce que Yoda est mort et peut-être qu'ils n'ont pas assez parlé du fait que les Jedi ont merdé, le seul truc qu'il a, c'est de refaire exactement la même chose que ce qui était fait avant, ce qui inclut de justement prendre les gamins super jeunes avant qu'ils aient trop le temps de s'attacher aux autres. Et comme on n'a pas encore le Luke de The Last Jedi qui a réalisé c'est que exactement ça. Les... Il y a eu énormément de débats par rapport à ça sur Twitter. J'avais rage quit au bout d'un moment. J'y participais pas, mais rien que de les voir, ça me saoulait. De plein de gens qui sont genre d'habitude assez posés et qui essayent de voir un peu comment fonctionnent les choses et qui étaient super en colère. Comme c'est genre moi, ma première réaction d'avoir vu qu'il y avait Luke, c'était j'étais en colère parce que je voulais pas qu'il soit dedans. Mais après avoir vu le truc, enfin, il y a plein de gens qui disaient ouais, mais il fait ça dans Last Jedi. Ben oui, mais à la fin de The Last Jedi, déjà, c'est pas au tout début. Genre, au début, c'est un gros con. Et genre, il peut pas déjà avoir à cette époque-là la sagesse qu'il aura à force de tout foirer 30 ans plus tard, en fait. Et là, c'est pas possible. Il est en plein au début de ses conneries, là, en fait. Et oui, ça me fait chier que genre ça ait fait autant plaisir à la fin d'Homme Menace. Au vrai fan, comme a dit Marc Hamill, hein, ce vieux trou de balle de merde. Oui, ça me fait chier, mais c'est même si ça passe trop de temps dessus et que ça aurait mérité d'être coupé un peu, c'est pas déconnant non plus. Et le parallèle ultra visible avec Vador dans Rogue One, bah il est pas malvenu non plus, genre ça reste des Skywalker, je veux dire les trois mecs Skywalker qu'on connaît, c'est tous des gros cons qui font cette tête baissée, qui tapent tout, même quand ils, je veux dire, alors même moi, Ben Solo à la fin, et ben même Anakin quand c'est un héros, ou Ben Solo à la fin quand c'est un héros, c'est toujours des gros trous du cul, des gros blaireaux qui font se tête baissée, qui vont faire la bagarre, quoi. C'est un truc de famille, quoi. Ils vont faire moi, c'est vrai que j'ai pas pensé à Rogue One quand j'ai vu le truc, mais c'est vrai qu'après que les gens en aient parlé, c'est vrai que ça avait plus de sens. Mais en tant que fan de l'épisode 1, quand j'ai vu le sabre laser qui sort de la salle enfumée, j'ai pensé au début de Obi-Wan et Qui-Gon. Tu t'es dit, oh, c'est Qui-Gon, il est revenu. C'est Qui-Gon qui est revenu. Comment il est revenu. Mais voilà. Mais c'est vrai que oui, le parallèle est plus pertinent avec Rogue One. Si je puis me permettre, cette séquence, j'en ai longtemps parlé sur Twitter et je me suis fait presque harceler par des gens qui m'insultaient quand j'ai dit qu'en fait, cette séquence, elle avait du sens. Alors au début, j'étais très énervé. Hein. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai vu qu'il avait emporté Grogu. Oui, mais ça, mais, c'est encore un autre truc qui n'a rien à voir. Ça, c'est... Mais en gros j'ai relativisé. Grâce à toi, Grushkov, hein, d'ailleurs, je t'en remercie. Mais en fait, cette séquence-là, elle fait vraiment écho à The Last Jedi. Et même la manière dont le réalisateur Peyton Reed a réalisé cette séquence, c'est très intéressant parce que Luke, il apparaît pas du tout comme la figure du héros classique. Il est la figure du héros classique qui va apparaître dans un voilà presque avec des ailes, avec tout en blanc, la figure du héros salvateur. Là, Luke, il arrive en défonçant la gueule à des droïdes, mais vraiment en les presque torturant. Hein, quand et ça, c'est important aussi. C'est des droïdes et tout au long de l'épisode, ils sont montrés comme sûrement les droïdes les plus stupide de toute la saga, c'est dire, ils sont 0% sentients, genre, eux, pour ouvrir une porte, oui, ils tapent dedans. Oui, oui. Non, mais c'est important aussi. Ils ont aussi fait ça. Il est d'une violence, tu vois, Luke, qui est assez impressionnante. Et il arrive en noir, en capuchonné, on dirait, il est filmé. Moi, j'ai trouvé qu'il était filmé comme un méchant film d'horreur. Oui, mais et ce qui est intéressant, c'est qu'on a justement le Luke. De l'épisode 6, sapé comme dans l'épisode 6, avec les mêmes travers que dans l'épisode 6. Au début de l'épisode 6, il étrangle des mecs, il manipule des gars, il les étrangle dans le palais de Jabba. Après, sur la barge, il découpe les gens. Voilà, il y a plein de monde sur la barge. Et avec Palpatine et Vador, il manque de basculer aussi. Enfin, dans l'épisode 6, il est clairement pas clean, Luke. Il est sur la sellette. Hein. Je te rappelle qu'il essaye. C'est Luke-là qu'on retrouve. Genre 25 ans plus tard, enfin 20 ans plus tard, il essaye d'assassiner son neveu qui fait un mauvais rêve. Tu vois un peu le gars. Bien sûr, mais ça reste cohérent, c'est pour ça que... Là, par contre, justement, c'est malin, voilà. On aurait eu un Luke tout en blanc, salvateur, ça aurait pas marché pareil. Oui, je suis d'accord, mais je disais ça justement pour dire du bien de l'épisode. Comme quoi, c'est bien fait. Même si j'aurais préféré qu'il ait sa tenue qu'il a sur Krayt plutôt que celle qu'il a littéralement dans le retour du Jedi, j'aurais trouvé ça plus fun. Qu'il soit justement, parce que celle de Krayt, elle a un peu de blanc, mais aussi beaucoup de noir, quoi. C'était un peu plus, tu vois, un peu plus mixé. J'aurais trouvé ça plus intéressant qu'il ait cette tenue-là, mais après ça, c'est juste... Oui, du point de vue symbolique, j'aime bien, en tout cas. Ça me choque pas. Pour le coup, ouais. Pour moi, ça marche. Mais avoir un mélange des deux, d'avoir un peu de blanc sous le noir, justement, comme... Moi, je trouve que ça aurait pas marché, justement, parce que là on a le Luke, selon moi, hein, le Luke dans lequel Luke de The Last Jedi est dégoûté. Il se rend compte dans The Last Jedi qu'il a fait des erreurs. Il se rend compte qu'il a fait des erreurs, mais aussi il se rend compte que... Alors ça, c'est plus dans une scène coupée, c'est dommage, parce que dans une des scènes coupées, il y a Rey qui pète un câble, qui fait... Tu sais, il lui fait un... Ouais, il y a des pirates qui vont attaquer les caretakers là-bas, faut que t'ailles les sauver, et elle y va, et en fait, c'était les mâles qui revenaient de la pêche, et ils faisaient la fête et tout, et elle pète un câble contre lui, il lui fait, mais ouais, mais je pensais pas que t'allais foncer comme ça, mais tu sais quoi, la galaxie a pas besoin de Jedi, ils ont besoin de gens qui sont prêts à foncer pour sauver les autres comme toi, c'est ça qui est important. Et ça, c'était un truc qui était aussi important, parce que c'est pour ça qu'à la fin, il fait face justement à tout le premier ordre, tout seul avec sa bite et son sabre laser, tu vois, c'est parce que même s'il n'est pas physiquement là, ce qui est important, c'est que il se rend compte des limitations du fait d'être une légende, mais aussi c'est être un héros, c'est faire les choses quitte à faire des erreurs, quoi. C'est, si tu fais rien, c'est aussi un problème. Donc c'est pour ça que cette séquence là je la trouve intéressante, même si c'est pas du tout la fin que je voulais à la saison. C'est que Luke, il arrive filmé comme un méchant et tout, il détruit des droïdes un par un, mais en même temps il sauve tout le monde dans de l'autre côté, genre ils seraient tous morts s'il n'était pas venu et qu'il avait pas fait ça. Et après, une fois que le combat est fini, il est tout calme, et puis il prend le bébé, mais il le vole pas, tu vois, c'est Grogu qui veut venir avec lui. Mais on est encore sur un Luke très impétueux, justement. Mais voilà, il est... C'est logique qu'il ait cette tenue-là, même d'être en noir, parce que voilà, il est impétueux, et surtout, je pense qu'il a pas... il a pas encore la prétention d'incarner des valeurs particulièrement pures ou quoi, enfin, voilà, qui est... si, au contraire. Ouais, au contraire, il veut trop bien faire. Ici, justement, il veut trop bien faire, mais pour l'instant, il est franchement dans l'optique. Je pense pas qu'il se voit comme le maître Jedi, le plus, en même temps, c'est le seul, mais le plus clean ou quelque chose comme ça, quoi. Enfin, pas à ce stade-là. C'est après, peut-être plus tard, quoi. Là, il sort des fringues blancs, machin, des trucs un peu plus pompeux. Mais à ce stade-là, je pense qu'il est encore vraiment dans le... Et au final, dans l'action. Il s'est surtout rendu compte que quand tu passais le noir en machine, ensuite, ça déteignait surtout. Mais en parlant du caméo de Luke, il y en a un que je détestais, moi, et que j'ai un peu remis en... Enfin, que je me suis remis un peu en question, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à apporter. Parce que, voilà, t'as le caméo de Ahsoka en milieu de saison, Bon, au-delà du casting, on va pas reparler de ça, mais en fait, on va le refaire. Hein, oublions pas que l'actrice, elle a tabassé une personne trans, voilà. Et que tout le monde s'en fout, a priori, je sais pas. En même temps, ils ont l'autre Trumpiste aussi à côté, qui aime les néo-nazis, donc... qui doit un peu tromper son froc en ce moment, d'ailleurs. Ouais. À part le casting, j'étais pas du tout content du traitement d'Ahsoka, et surtout, pour moi, genre, n'importe quel Jedi aurait pu donner ces infos-là. Ils auraient pu en inventer un, et puis ça aurait été... Mieux, hein, n'importe quelle personne un peu au courant, en fait. Ouais, ils étaient pas obligés de faire ça. Mais en même temps, j'ai vu quelques arguments comme quoi c'est vrai que le fait qu'elle ait connu Anakin, c'est... Elle sait que l'attachement, c'est pas forcément le meilleur des trucs, et que peut-être que pour le bébé, il a peut-être pas forcément besoin d'être entraîné et de comment dire, il a pas, peut-être pas forcément besoin d'être entraîné, mais plutôt de rester avec les gens qu'il aime, parce que c'était l'erreur qu'avait faite Anakin à l'époque. Et ça, c'est un point de vue que Ahsoka a, que Luke, lui, par contre, il a pas, parce que ben, lui, l'autre, il a son papa qui l'a sauvé, alors voilà, tout va bien. Je veux dire, y a rien qui s'est mal passé avec... avec son père. Enfin, Luke, il idéalise beaucoup les gens autour de lui. Hein. Et puis surtout les Jedi. Il n'a pas encore la maturité et il n'a pas encore vécu ce qu'Ahsoka a vécu. Mm. Et puis surtout, lui, voilà, c'était un fermier qui voulait piloter des trucs. Il était un peu paumé dans sa vie, etc. Et on lui a appris les Jedi. Et puis là, il est devenu un Jedi et il a sauvé l'univers de l'Empire. Du coup, le mec, il est tout gonflé de fierté et de... Enfin, du coup, le gars, il se dit « Oh, waouh, j'ai un truc, là, avec les Jedi et tout. » Donc, ouais, il se rend pas compte du reste parce qu'il pense que, comme tout allait super vite et super bien avec les Jedi, il faut continuer là-dessus. Et je pense que là, du coup, il doit être en train déjà d'avoir son idée de recréer de l'ordre. Ce qui est très drôle, c'est que je pense qu'il a déjà fait faire les plans et tout chez un architecte. Mais c'est très drôle. Il a fait tout ce truc-là par rapport à Luke, parce que les seules fois où il a vraiment réussi à avancer, c'est toutes les fois où il a pas écouté les vieux Jedi et qu'il a fait littéralement l'inverse de ce qu'il lui disait de faire. Et c'est rigolo qu'il soit allé dans ce sens-là dans le canon. Mais écoutez, on va le garder comme il est. De toute façon, on peut pas le changer. Mais oui, à chaque fois qu'il a réussi quelque chose, genre, eux, ils voulaient qu'il bute Vador, quoi. Je veux dire, lui, il a littéralement fait l'inverse, et c'est ça qui a sauvé la galaxie. Bah, des fois, voilà. Il a s'engueulé avec Obi-Wan en fantôme de force, mais il lui dit, bah, je l'ai buté d'un certain point de vue. Le petit salaud. Mais voilà, c'est vrai. Et du coup, même si je suis toujours pas satisfait et que je trouve cet épisode vraiment pas terrible, peut-être que c'était justifié. Ouais, l'épisode 5, celui avec Ahsoka. Peut-être que c'était justifié. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, maintenant. Non, c'est intéressant. Bah, ouais, je me dis que ça aurait marché tout pareil avec Maskanata, par exemple. Comme épisode. Bah, Qu'est-ce qu'il connaît aux Jedi, Maskin ? Je trouve que justement, l'épisode final de la saison 2 justifie la présence d'Ahsoka dans cet épisode-là. Ouais. En revanche, tout le reste de cet épisode, c'était l'OSEF complet. Genre, ouais, ça fait plaisir d'avoir le name drop de Sexy Throne, mais bon, ça sert à rien. Ah, j'avais oublié ça. Il faut voir ce que ça va donner. Dans la série Ahsoka, parce que ça, par exemple, ça m'avait saoulé. Ça fait partie des gros défauts de cette saison-là. Oui. C'est cette espèce de côté backdoor pour. C'est backdoor pilot pour une série Ahsoka, là. Et c'est peut-être pour ça que j'aime vraiment pas celui-là. C'est genre. J'ai vu beaucoup de monde dire que Boba Fett, il prenait la vedette à Dean, mais moi je trouve pas, alors que quand c'est Ahsoka, oui, il y en a vraiment plus que pour elle. Elle se bat littéralement contre le méchant de l'épisode, elle, pendant que l'autre il fait des blagues à l'extérieur, quoi. Ça dérange personne. Et là, ça vous a pas dérangé, mais par contre, quand Boba Fett il fait littéralement la même chose que Fennec, genre ça veut dire que Fennec elle a pris la vedette aussi dans cet épisode-là. Enfin, Mais t'as complètement raison. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Et je trouve que justement, ils ont fait attention par rapport à Boba, et ils ont... Filoni, il a toujours son biais par rapport à Ahsoka, et je pense que l'épisode aurait été mieux géré si il l'avait réalisé, mais que quelqu'un d'autre l'avait écrit. Ou l'inverse. L'avait aidé à l'écrire, en tout cas. L'épisode avec Ahsoka, en plus, c'est clairement son arc à elle, et du coup, ça n'a rien à foutre là. Je veux dire, mettre Ahsoka et avoir tout le truc sur Grogu et tout, oui. Par contre, tout le truc de prendre la ville avec la bagarre et tout, c'est son arc à elle, et c'est probablement pour annoncer la série, mais du coup, ça n'a rien à foutre là. C'est pas l'arc de Dean. Enfin, je veux dire, littéralement, le mec, il reste à la porte, quoi. Il récupère quand même la lance à la fin. Il récupère la lance, attention. Il récupère la lance, ça c'est chouette. Il est vraiment à côté quand même. C'est même pas lui, c'est même pas lui qui la récupère, vu que c'est Asuka qui gagne le combat et qui lui donne à la fin, genre, bah, allez, tire ses cadeaux, frère. T'imagines l'épisode où il va voir Asuka, où c'est en fait comme Luke qui va voir Yoda dans l'épisode 6. Ça aurait été. Enfin, moi je me serais bien marré, mais. Tu sais, genre Asuka qui joue le mystère et tout, et le mec, c'est juste un épisode où le gars il fait une pause quoi dans son truc de se faire lancer comme une balle de ping-pong partout. Juste un épisode où il se pose, où il discute de tout ça et tout. Et... Bon. Ouais, il n'y avait pas besoin d'avoir tout le truc de la ville, même si. En fait, le truc de la ville là, ça aurait été bien d'avoir son épisode à soi et pas d'en faire un truc sur Asuka à côté. Enfin, je sais pas si. Je me suis fait comprendre. Non, mais si, t'as raison. Le fait est que dans cet épisode-là, mis à part son dialogue plus ou moins intéressant sur le fait que Grogu n'a pas forcément besoin d'être un Jedi et d'être entraîné, mais a plutôt besoin d'un père et qu'il en a trouvé un, a priori, hein, parce qu'elle lui dit bien, il te considère comme un père, en fait. À part ça, c'est vrai que cet épisode, il n'a pas grand intérêt pour l'arc de ces deux personnages. Et en plus de ça, il est mal réalisé. On en a déjà parlé dans l'épisode en question, mais il ne sait pas faire de montage correctement, David Filoni. Bah, pas sur du live action, en tout cas. Sur de l'animation, il n'y a pas de souci, mais en live action, c'est plus compliqué. Moi, je le trouve aussi un petit peu à côté, cet épisode, en décalage par rapport au reste de la saison. Il y a quand même des choses que j'ai bien aimées. Alors, je disais, Mask Latar a pu faire le boulot pour filer l'info, je pense, parce qu'il est quand même calé sur pas mal de choses, notamment la force. Maintenant, après, c'est logique que voilà, Bo-Katan, forcément, si elle file un tuyau, ça va être Ahsoka. Bon, Je pense que ça tient. Je pense que c'était important que ce soit Ahsoka aussi, parce que Mask, c'est pas une Jedi, elle a pas été témoin de la chute d'Anakin et de ce genre de trucs. Ahsoka, l'avantage qu'elle a, et justement, je pense que c'était nécessaire pour la comparaison ensuite avec Luke, parce que Luke, il représente le gars qui n'a rien connu des Jedi et qui idéalise le truc et qui se dit « ouais, je vais recréer le groupe ». Et elle représente quelqu'un qui a quitté les Jedi parce qu'elle a vu à quel point c'était pourri de l'intérieur. Et d'ailleurs, même si elle l'a quitté, même si elle a essayé de prévenir et tout, elle a quand même son meilleur pote qui est devenu un Sith. C'est vrai qu'elle n'a pas le même bagage. Qui a ravagé la galaxie à cause de ça, parce que lui, il pouvait pas lâcher prise des Jedi comme elle a fait. Mmh. Et du coup, c'était important d'avoir ces deux perspectives-là. Et aussi parce que du coup, elle a toute la connaissance de la séparation du parent et de l'enfant, un truc comme ça. Alors que Maz, ça aurait fait vraiment genre Beaumont, tu vois, ça aurait été le personnage qui pop là et qui fait du lore dropping. Ça aurait... C'est vrai ouais. Aussi. Ouais, non, je suis d'accord. Alors, du coup, cohérent d'avoir Ahsoka, effectivement, mais alors du coup, c'est vraiment l'épisode qui foire. Ouais, c'est le reste en fait de ce qui se passe dans l'épisode. Je pense que c'est parce que. C'est ça. Le truc important, c'était le dialogue et la rencontre. Ils se sont dit, ouais, ça tient pas à un épisode, et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va faire Ahsoka badass à côté pour. Voilà. Le truc, c'est que ça devient l'épisode d'Ahsoka derrière. Ouais, le seul passage que j'ai bien aimé, c'est. C'est avec la balle en fait. Ouais, avec la balle, c'est important ça. C'est important dans le lien qu'a Dean avec Grogu, ça oui. Il y a quand même des moments importants, des jolis plans aussi quand il tient dans ses bras à la fin et on voit clairement qu'il veut pas le lâcher. Enfin, il y a des jolies choses dans l'épisode, même visuellement il est pas moche, l'ambiance mi-western, mi-film de samouraï, c'était cool aussi, les droïdes c'était cool. Enfin, il y a pas tout acheté, mais je pense que si on se fait maintenant, voilà, nous on les a vus semaine par semaine, mais si tu te fais un run maintenant, je pense en un week-end de la série ou en une journée si t'es un peu chaud. L'épisode, il doit tomber un peu à côté, ouais. Ouais, bah, j'ai trouvé très cool. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'inspiration samouraï et tout, mais vraiment, en fait, le problème, c'est que c'est pas Dean le héros de l'histoire. Quoi. Il aurait eu un rôle plus important dans le final, ça aurait peut-être mieux marché, tout simplement. Je pense qu'ils auraient pu en profiter pour vraiment faire un épisode où ça se pose, où vraiment, ils se posent, ils discutent, ils font des trucs. Je pense qu'ils avaient peur que les gens fassent genre « Ah, il était mou l'épisode, ouais. Où ça bougeait pas, il y avait pas de bagarre. » Et puis il y a sûrement le biais de Filoni qui veut montrer à Sokka. Oui, c'est ça. Et mais en fait aussi, c'est parce que du coup, ils en ont profité en se disant « Bon, bah, on n'a pas assez avec le dialogue pour tenir un épisode, donc on va introduire la série Ahsoka avec une promesse de savoir ce qui s'est passé avec Thrawn et tout. » Et tout ce truc-là, et du coup, ben ouais, il est un peu à l'écart parce que il sert à introduire autre chose qui n'est pas liée directement, en tout cas, au Mandalorian. Et ouais. C'est juste qu'ils ont ça, le name dropping de Thrawn, c'était ça le pire de l'épisode. Ouais. Bah, c'était complètement clair. dans la perspective de ce que tu disais, Tuki. Ouais, ouais. C'est le plus flag. C'était vraiment, je pense qu'ils ont voulu faire le truc important avec Ahsoka, et à côté, comme ça tenait pas, ils se sont dit, ouais, faut en faire quelque chose. Ils se sont dit, bah, autant la faire badass, et puis mettre un peu plus de lore, et puis sous-entendre qu'elle a son propre arc quelque part, et puis bah, après, on a appris qu'il y aurait une série sur elle, donc effectivement, elle a son arc quelque part. C'est juste dommage que ça prenne un épisode du Mandalorian pour faire ça, quoi. Alors qu'il y a que 8 épisodes dans la saison, quoi. Alors que si tu regardes l'épisode, ça aurait pu faire un genre. Je parle pas de la partie où elle est avec Grogu et Din, parce que ça c'est très bien pour le Mandalorian, mais juste la partie où elle se bat dans la ville et où il y a le name drop de Thrawn et tout, Thrawn et tout, ben ça aurait fait un super teaser pour sa série. Oui. Bah oui, puis encore une fois, je pense que dans une série avec une saison de, allez, on va dire même 15 épisodes, sans forcément aller jusqu'à 20 ou 22, ça serait mieux passé aussi, quoi. Et puis à la fin. Enfin, par exemple, tu compares ça à Boba. Boba, il est là dans plusieurs épisodes de la saison. Il est utile, il fait des trucs. Et à la fin de la saison, il y a un vrai teaser pour une vraie, pour une série Boba Fett. Mais c'est pas genre on prend la place de l'histoire actuelle. C'est, il est dans l'histoire et après, on te dit, il va avoir sa propre histoire à lui aussi. Voilà. C'est tout. Et je sais pas vous, mais aussi le. Je trouve. Alors, autant d'habitude, pour ces petits détails-là, je suis pas du tout du genre à tirer la tronche ou à faire des petites remarques ou quoi. Mais vraiment, les costumes, les tentacules d'Ahsoka. Ouais, pourquoi ils sont aussi courts? Je veux dire, des Togruta en live action, on en a déjà vu. T'es ouais, c'est ce que je me disais. ILM, pareil, oui. Ils peuvent tout faire à ILM, déconnez pas. Les gars, c'est, genre, je veux bien votre excuse que c'était pas pratique pour les stunts, mais en même temps, enfin, vous l'avez déjà fait à l'époque de la prélogie, et je pense que ce serait plus simple maintenant qu'il y a 10 ans. Alors vraiment, en plus, bah, déjà, t'adaptes la chorégraphie autour, hein, parce que si c'était vraiment une vraie espèce qui se battait vraiment, ils auraient trouvé un moyen. Et puis, au pire, ne faites pas se battre. Et sinon... bah, il y a les CGI. Mais oui, tu vois, en fait, t'as plein de manières de faire. Tu dois sentir le latex. Bah non, mais ils ont rajouté des capes à Kylo Ren en CGI. Ils peuvent bien rajouter la longueur de ces licous. Non, mais voilà, mais justement, ça prouve un peu la limite de... On a beaucoup... Je me souviens, quand The Force Awakens est sorti, on a beaucoup parlé de cet aspect. Oui, ouais. tous les aliens les effets, sont faits en vrai, voilà, l'hommage au vieux film. Mais là, ça prouve peut-être un peu sa limite, en fait. Mais c'est une limite. Non, mais c'est clairement une limite, je suis d'accord. Mais tu l'as dit tout à l'heure sur Grogu, hein, c'est pareil. Moi, je pense qu'à des moments, Grogu aurait mérité d'être entièrement en CGI. Voilà. CGI, ce n'est pas sale. Après, absolument. Ça se trouve. Après, il y a quand même un taf de ouf sur Solo, sur beaucoup de projets en effet pratique sur les aliens. Hein, après, non, se mais trouve, je comprends bien. Peut-être que faire des effets pratiques juste pour se dire les effets pratiques c'est cool, c'est peut-être un peu limité comme manière de penser. Il faut réfléchir à comment les utiliser aussi. C'est vrai si c'est juste une performance technique, c'est moins intéressant, surtout si ça aboutit à ce genre de résultat. Après, ça se trouve, elle s'est baignée dans des sources chaudes et ça a rétréci au lavage, on ne sait pas. Mais tu sais, vraiment, tu kiffes. J'espère. Mais j'espère qu'il y aura une explication somehow qui vous redconne les trucs dans la série. Non, non, vraiment, non, je pense qu'ils le feront pas. Je pense qu'ils laisseront comme ça. Ils feront genre, oh, c'est comme ça que ça ressemble dans, yeah, en live. Quoi. Ah, putain, ah, chier, mais pourquoi après, alors, leur fait grandir mais... pendant 10 ans, leur fait grandir petit à petit, t'as les coups de merde. Mais ouais, en plus, ils étaient tout petits, mais en plus, ils faisaient chip, quoi, par moment. Donc c'est... Mais oui, c'était du polystyrène, arrêtez vos conneries. Faut noter que dans Rebels, par contre, l'esthétique de Rebels, la direction artistique, exagère beaucoup de traits. Les casques des Stormtroopers sont exagérés, Vador est exagéré. Je pense que pareil pour les. C'est vrai qu'il a une longue tronche, Vador. Ouais, mais Ahsoka, t'as des photos, enfin des images d'elle bébé où elle a des tout petits licous, et plus elle grandit dans les différentes séries, hein, c'est pas que Rebels, il y a Clone Wars aussi, oui, plus ils grandissent. Aussi, oui. Et comme on l'a dit, les autres Togruta qu'on a vu en live avaient des longs licous. Oui, parce que ah là, oui, c'est ça, peut-être aussi quelque part une volonté d'interpréter le design d'Ahsoka. Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me choque énormément, personnellement. En plus, enfin, ici, je suis peut-être un des plus gros fans d'Ahsoka ici. Alors d'ailleurs, pour ceux qui découvrent le podcast maintenant, cette année seulement, bah, déjà, qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 ans? Mais si, on n'est pas là pour shamer Ahsoka, enfin, moi en tout cas, et on aime bien le personnage globalement. C'est vraiment pas gratuit, hein, même nous. Enfin, moi, le premier, j'avais dit, j'aurais aimé que l'épisode soit différent, parce que vraiment, je suis pas satisfait. Mais non, pour moi, c'est une interprétation simplement du design d'Ahsoka quelque part. Quoi. Je suis pas trop bloqué par ça. C'est pas ce qui m'arrête le plus dans cet épisode. Ok, j'ai complètement perdu le fil. Où est-ce qu'on en est maintenant dans tout pas, ça. C'était pas l'épisode d'aujourd'hui sur les coups d'Ahsoka? C'était pas ça, zut, ouais, zut, je suis bête. Non, par contre, voilà, maintenant on va pouvoir passer au caméo qui marche, dont on a parlé. Et il y a tout un pan de l'histoire qui, pour le coup, je m'y attendais pas, mais qui m'intéresse vachement, c'est tout le côté Mandalore, l'héritage de Mandalore et le futur de Mandalore, en fait. Donc il y a. Yes! à la fin de la série, fin de la saison, le chef de Mandalore, techniquement, c'est Din. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais imaginé qu'ils allaient aller là-dedans, ou en tout cas pas aussi vite, quoi. Non, à la fin, il bat. Il a tabassé un petit vieux et ça, c'est lui le chef. Il bat Gideon, il récupère le Darksaber, et t'as les boules de Bo-Katan, vraiment, qui fait « Oh non, le mec, il ouvre la porte, il traîne le gars d'un côté, il a le Darksaber de l'autre, c'est extraordinaire. » Et Gideon qui pète le DR, mais à côté. Le pire pour elle, c'est que non seulement le gars, il a l'air d'avoir fait ça easy-peasy, mais en plus, le gars, il s'en fout. Oui, il essaye de lui donner, tiens. Tu sais, c'est genre la rage de pas l'avoir fait toi-même, et puis en plus, le mec, il est genre « Je m'en fous, moi, prends-le !» Et t'es genre « Putain, t'es fou, ça !» C'est complètement ce que disait Grushkov. Au départ, c'était le mec, ouais, this is the way, on fait comme ça, et maintenant, plus rien à foutre des traditions, vas-y, prends le truc. Ouais, mais c'est pas sa tradition, là, globalement, donc il s'en fout. Parce que lui, il croit pas en Mandalore ni rien, c'est ça aussi qui est bien avec la série, c'est que t'as lui qui a été élevé par les espèces d'extrémistes sectaires dans leur coin, qui sont genre ouais, Mandalore ça existe plus, de toute façon c'est des légendes. T'as Boba qui est genre Mandalore et les Mandaloriens, je m'en bats les couilles. Et puis t'as Bo-Katan qui est là, non, moi je veux mon Saber, je veux reprendre le trône de Mandalore, là c'est mon, tu vois, c'est mon but de vie, tu vois. C'est important, ok. Et c'est très drôle d'avoir tous ces différents Mandaloriens avec chacun leur. Leur vision des Mandaloriens et de qui ils sont et de ce qu'ils veulent faire. C'est vrai, c'est vrai. Puis il y a plein d'armures cool. C'est vrai. Ouais, ça, carrément. Bah ça, pour le coup, c'est d'autant plus intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui fait du cosplay, là, franchement. Les costumes et les armures des Mandos sont vraiment très, très, très cool dans cette saison. Ça, vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. Pas autant que dans Solo, mais ça va. Ouais. Et côté Mandalore. oh putain, oui. Attends, je repense à ce truc qui est l'horreur. Bon, je me focus sur autre chose. Pierre, toi, Matt. Pense à la madame, pense à la madame. Oui, du coup, Mandalore, franchement, j'ai très, très envie que la série continue là-dessus, et je pense que la série va continuer là-dessus. Et vu ce que... Merde. Je vais tomber des trucs, désolé. Vu ce que la série fait pour le moment, je n'ai pas trop de doutes quant au fait qu'ils vont avancer sur cet arc-là et potentiellement qu'ils vont ramener d'autres personnages liés à cet arc-là. genre Sabine. Mm-hmm. Ouais. Quelle surprise. Non, mais vraiment, pour le coup, c'est. J'aime pas trop me faire des attentes et spéculer et tout sur ce qui se passe dans les séries ou dans les films, parce que je trouve que c'est généralement une source de déception et une source de prise de tête, parce qu'il y a souvent des débats sans fin et tout. Mais par contre, pour le coup, c'est vrai que j'ai vraiment envie de voir Sabine ensuite, parce que vu ce qu'ils ont fait avec les autres Mandaloriens, ça peut être très très cool. Et ça rentrerait complètement dans les thèmes qui ont été abordés. Et la déception, il y a bien Sabine, mais elle est dans la série Ahsoka. Je deviens fou. En vrai, ça fait partie des trucs qui pourraient mal tourner. C'est qu'il n'y ait pas Sabine dans cette série-là, mais dans l'autre. Mais je pense qu'elle, dans tous les cas, elle va arriver en live action. Ça, c'est presque sûr à 1000%, mais plutôt 900%. Imagine, le pire, c'est Sabine, elle est dans la série Ahsoka, mais c'est aussi parce que la série Ahsoka, c'est la suite de Rebels. Bah oui, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est totalement ça. Mais ça, c'est un autre débat. Ça va sûrement reprendre la trame, oui. Ouais. Dans ce cas-là, je vais voir Dwayton. J'espère qu'elle sera en taule l'autre qui puisse caster quelqu'un d'autre. Bah, je sais. Alors moi j'ai une question par rapport au Darksaber. Donc voilà, ils nous disent à la fin que tu peux pas juste le filer, il faut avoir vaincu l'autre. Est-ce qu'il y a des détails sur la manière dont il faut battre l'autre? Genre, est-ce qu'il peut faire un puissance 4? Alors, ça serait trop bien. Pierre feuille ciseaux. Ça serait vachement bien. Mais en fait, du coup, d'ailleurs, Gideon le dit aussi, c'est que c'est pas tant le fait qu'il faut battre l'autre, c'est plus qu'il faut que l'histoire que ça raconte, ce soit une histoire, en fait, soit genre qui te rende légitime, en fait. En fait, faut que t'aies l'air badass, genre des honneurs. Genre dans Rebels, c'est Sabine qui lui donne, mais c'est genre c'est trop badass, c'est devant toute une foule. Et tout qui c'est ça, c'est en mode, je te fais confiance pour diriger la rébellion, on va reprendre Mandalore et tout, et vas-y, tu vois. Genre tu fais une partie de petits chevaux et tu fais que des 6 et tout, et voilà, tu le récupères, et puis les gens ils sont genre, c'était badass. C'est pas genre, mon pote il a tabassé un vieux pour récupérer mon sabre, et il me l'a acheté nonchalamment après, tu vois. Ouais, ça c'est pas ouf comme backstory, c'est clair. Dans Rebels, c'est plus un adoubement en fait, quelque part. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est pour ça que c'est beaucoup plus... C'est genre noble, c'est quand même vachement plus classe en plus à raconter, genre deux femmes puissantes de deux des plus grosses maisons mandaloriennes sont alliées malgré leurs différences, et il y en a une qui a légué, malgré le fait que ce soit toutes les deux des terroristes, il y en a une qui a légué le sabre à l'autre et tout, c'est quand même plus badass que le local imbo est allé tabasser le vieux, l'a traîné par le col et puis a fait tiens prends ta merde, je veux pas de ton sabre. C'est à dire que le prestige est pas le même. Voilà, ou alors il faut que l'assassine tout le monde pour qu'il n'y ait pas de témoin. Non, mais du coup, éventuellement, justement, si cet arc se poursuit, peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose qui ferait que ça rendrait Bo-Katan légitime à récupérer le Darksaber autrement qu'en butant Jean, quoi. Bah, genre si elle lui sauve la vie et que du coup, il lui offre comme dette, vu qu'il aura une dette envers elle, il lui offre le sabre, là, ça pourrait, tu vois, être un peu plus glorieux que bah, j'étais coincé dans une pièce parce qu'il y avait des robots qui nous tiraient dessus. Et, Au final, ça soulève aussi une autre question dont on parlait juste là sur le Discord en même temps qu'on fait l'émission, parce que c'est pour ça, nous, on est comme ça, on est multitâche. C'est est-ce que Bo-Katan mérite de diriger Mandalore alors qu'elle a déjà eu deux fois la possibilité de le faire et que les deux fois elle a raté? Pour moi, c'est là que Sabine entre en jeu. Mais carrément, il est temps là maintenant, elle a grandi, elle va prendre ses responsabilités. Et peut-être qu'elle va récupérer le Himbo et faire un mariage. Comme ça, non. Le pire, c'est qu'avec le pire avec Bo-Katan, elle est mariée avec Ketsu, ok. J'espère. Ouais, en plus Bo-Katan, je crois que initialement, elle voulait pas régner sur Mandalore, il me semble. Et puis. Non, parce qu'elle avait déjà raté. Et puis après. Ce qu'elle disait, c'est je suis pas ma sœur, quoi. Oui, c'est ça. Et puis après, elle arrête pas d'enchaîner les échecs, la pauvre. Ça, ça doit faire mal un peu. Genre. En plus, je suis sûr qu'il doit y avoir des gens qui doivent la comparer à sa sœur tout le temps. Genre. Oui, il y avait tu te sens comment elle-même le faisait. Elle, dans Rebels, elle disait bah ouais, mais je suis pas une poéticienne comme ma sœur. Ouais, tu m'étonnes. Puis bon, après, t'as des. On a vu ça. En plus, voilà, tu galères à garder le sabre et puis à essayer de faire quelque chose de Mandalore, et puis t'as des connards comme Maul qui arrivent, qui prennent le sabre, qui font hey, maintenant je fais le bordel. C'est quoi, elle a du beurre dans les mains ou comment ça se passe pour qu'elle lâche plus le temps de sabre? C'est beau la pression familiale, n'empêche. C'est clair. Mais ouais, mais il y a beaucoup de ça, et je pense que là, justement, ce qui s'ouvrait à la fin de la saison 2, là, par rapport à tout ce qui concerne Mandalore, ça va être super intéressant de voir comment il gère ça, qu'est-ce qui va se passer pour Dean, est-ce qu'on va enfin aller sur Mandalore dans la prochaine saison aussi. Parce que au final, cette saison 2, là, avec tous les caméos et tous les trucs comme ça, ça fait plus saison de transition, en fait, entre la saison 1 et la saison 3, qui va être plus basée... la saison 1 qui était très, oui, le western, le truc comme ça, et la saison 3 qui va peut-être être plus, Mandalore. La grosse bagarre, la bagarre avec des gros vaisseaux, des trucs comme ça. Avec des mégaphones. La bagarre avec des mégaphones. Et des mégazords. Et justement, par rapport à ça, vous pensez que ça... Est-ce que vous pensez que ça va rester un peu entre les deux, ou, comme c'était là, ou c'était un peu une aventure toutes les semaines, ou est-ce que vous pensez que là, du coup, ils vont partir plus sur une grosse intrigue qui va durer toute la saison et qui du coup va être plus comme les autres séries modernes. Aucune idée. Ils vont rester sur la même dynamique, je pense, et ça sera peut-être plus fin, un peu plus filé, mais on aura toujours ces épisodes un peu indépendants, si on peut dire, enfin avec un monstre. Ouais, je suis un peu de l'avis de Matt, mais aussi quand même, j'ai trouvé que dans cette saison, même les épisodes, enfin même si chaque épisode avait un petit peu son truc à part, ils étaient tous quand même liés. Au moins à la, comment dire, à la recherche. C'est pas faux. Est-ce que Dean cherchait, tu vois. Du coup, en fait, même si les épisodes n'étaient pas full avancée du scénario, Il y avait toujours au moins un petit pas, tu vois. Je me suis mal exprimé, ouais, t'as tout à fait raison. Mmh. Est-ce que vous pensez que le scope va être différent et que ça va avoir beaucoup plus d'envergure maintenant y a la direction, enfin, le tout le truc de Mandalore, en fait. Je pense que ça va... La succession de Mandalore, on va appeler ça. Ça va partir là-dessus, clairement, parce qu'ils ont ouvert l'arc Bo-Katan, sabre noir et tous ces trucs-là, donc je pense qu'ils vont continuer là-dessus. Et je pense qu'il va y avoir, d'un côté, tout ce truc de la reconquête de Mandalore, et de l'autre, comment ça se passe, Grogu et Luke et les Jedi, et puis à un moment ça va merger, parce que je pense qu'il va récupérer à moins qu'il fasse toute la saison en mode ou au moins la moitié en mode full mandalorien, et puis à un moment il y a Grogu qui revient, mais je vois pas la place de Grogu dans le truc. Je pense pas que Grogu il a sa place là dedans et c'est pour ça qu'ils s'en débarrassent temporairement. C'est ce que je pense aussi. Oui, mais il va revenir, du coup. Oui, il va revenir, c'est sûr à 100% qu'il va revenir. Même Luke a dit... Luke, il a pas dit « je vais en faire un Jedi », il a dit « je vais l'aider à maîtriser ses pouvoirs ». Ça veut pas dire qu'il va... Il va le prendre pour toujours, sachant que le premier étudiant de l'académie de Luke, c'est canon, ça, pour le coup, s'ils vont à l'encontre, ça veut dire que c'est écrit par JJ, mais le premier étudiant, c'est Ben, et c'est... genre 5 ou 7 ans après le Mandalorian, donc je pense que ça va bien se passer. Grogu, ça va faire son petit truc avec Luke de son côté, peut-être justement pour l'aider à pas faire n'importe quoi, pour l'aider à juste pas les développer, mais juste savoir quoi faire avec, quoi. Je pense que ça va être un truc mutuel où Luke va apprendre plus sur les Jedi et sur cet héritage et tout via les connaissances de Grogu. Parce que Grogu était là, hein, quand il y avait les Jedi et tout, Luke non. Oui. Et à l'inverse, Luke va pouvoir aider Grogu à peut-être maîtriser ses trucs ou... Je sais pas. Enfin, je pense que ce sera un truc comme ça d'échange. Je pense que Luke va beaucoup apprendre de Grogu et je pense que justement c'est ça qui va faire que Luke va créer son académie après. Il va faire waouh, ça s'est super bien passé avec le petit gars là. Donc let's go. Oups, ça tourne mal. C'est pour ça que le premier qui va prendre c'est son neveu parce que c'est le seul en lequel il aura confiance au départ. Je pense pas que s'il était plein de doutes, il aurait osé prendre son neveu et le foutre en danger. Je pense que justement... Ça prend longtemps avant qu'il le récupère. Ouais, mais je pense que justement, il va être assez sûr de lui pour se dire « Ok, maintenant, je peux commencer à en entraîner d'autres. » Parce que dans TLJ, il dit que ce qui lui a fait faire son académie, c'était l'hubris. C'était une trop grande confiance en lui, une trop grande fierté et tout. Donc je pense pas que c'est plein de doutes qui crée son académie. Je pense que c'est justement plein d'assurance. Et c'est pour ça qu'il échoue. Ouais, mais aussi, il a commencé parce que les autres, ils sont venus en lui refilant leur fils. Non, c'est pas lui qui est allé le chercher. C'est eux qui savaient pas quoi en foutre et au lieu de l'écouter, ils l'ont donné à leur oncle, enfin à son oncle. Ouais, coup, mais je pense que c'est un truc. On l'a vu dans les livres et BD et tout sur Luke et Ben avant qu'il y ait l'académie. Effectivement, quand il récupère Ben, il crée pas son académie, il fait juste plein d'aventures avec Ben où ils vont casser des gueules ensemble. Ils vont voir. Ouais, regarde ce groupe de. Pour le coup, c'est raccord avec ce qu'on a vu dans Mandalorian. Et en gros, il fait ce qu'il y a à la fin. Ok, tonton. Ouais, c'est ça. Il fait l'épisode final de Mandalorian. Il le fait, mais avec Ben tous les jours, tu vois. Alors, ils vont casser des gueules. C'est ça. Et t'as Ben qui est là à côté. Oh, il est trop cool. Bien, mon tonton. Et je pense que justement, après, il s'est dit, ok, on va se poser maintenant. Ça marche bien comme duo, on va créer le truc, quoi. Mais oui, du coup, tout ça, je pense pas que de toute façon, on le verra. Je me demande, est-ce qu'ils vont mettre Luke plus longtemps dans un autre épisode? Je pense même pas. Parce qu'il va revenir, on va dire, tiens, j'ai fait ce qu'il fallait. Ouais, mais c'est ce que je disais, du coup, pourquoi tu disais que non? De quoi? Mais moi, c'est ce que je disais, en gros, ça va être surtout la reconquête de Mandalore et tout, et puis à un moment, il y a Grogu qui va être relâché par... par Luke, quoi. Ah non, mais c'est par rapport à Adrien, parce que Adrien, faut le préparer. Hein. Mm-hmm. Moi, je pense que Grogu, il va gerber partout dans les X-Wing au bout de 5 minutes, il va lui rendre direct en début de l'épisode. Allez, dans le pod, barre-toi. C'est pour ça qu'il a plus sa bure noire, c'est parce qu'il s'en est servi pour essuyer le vomi de Grogu. Ouais, t'imagines Luke quand même Grogu sur Dagobah. Hey, le seul autre qui te ressemblait, il vivait là, je pense que ça va te plaire. Tu bouffes les asticots, tiens, goûte, ça a l'air. Mais en fait, moi, j'ai le souci que j'ai un peu avec les questions qu'on a sur la saison 3, c'est que cette fin de saison 2 ressemble vraiment à une fin définitive de série. Il y a tellement de choses qui se termine à ce moment-là. Ils ont capturé Gideon, ils ont récupéré le Darksaber. Alors, d'accord, il y a la question de qui est-ce qui le garde. Il y a Grogu qui a retrouvé les Jedi, et je me dis, mais comment c'est chaud, je trouve, ça peut pas finir comme ça. De construire une nouvelle histoire en se basant sur tellement de trucs qui ont mais été... Mais non, il y a plein de choses à faire. Mais justement, ça peut pas se finir sur Grogu qui s'en va. Ben, ça, ouais, plus, mais c'était quand même le truc qu'on nous avait vendu depuis le début de la saison 1. C'est quoi l'avenir de ce gamin dans la galaxie? Il faut trouver un endroit où il sera bien. On a enfin trouvé un Jedi. Alors évidemment, c'est triste, mais c'est quand même ce qu'il essaie de faire depuis le milieu de la saison 1, en fait. Oui, c'est surtout une fin. Justement, dans les narrations. T'as souvent ouais, ce mais c'est truc. Ce que tu dis, c'est ce qu'on disait avant. C'est dark, mais c'est pas parce que ça nous fait pas plaisir. Non, je disais c'est la fin d'un arc scénaristique. Oui, c'est oui, dark, c'est la fin de l'arc. Vas-y, tu. Dans la narration, t'as souvent ce truc de voilà, ta quête c'est ça et tout, et puis le mec il galère pour y arriver, et il y arrive et à la fin il se rend compte ah ouais non en fait c'était pas ça, et il s'était fait toute une idée du truc. Avec tout ce qu'ils ont fait avec l'épisode sur Ahsoka, ça pourrait pas être une fin d'avoir Grogu qui part définitivement, parce que justement il y a tout ce truc un peu ominous de je suis désolée, je trouve plus les mots français, de attention, faut surtout pas séparer l'enfant du parent parce que ça finit mal. Et ils auraient pas introduit tout ce truc là, vraiment ça aurait servi à rien du coup, cet épisode avec Ahsoka, si c'était pas justement pour amener le fait que boum, c'est ce qu'ils font et que ça peut pas être la bonne solution. Et surtout, ah, on a déjà dit que l'épisode 5 il servait à rien, donc et puis je sais pas, la manière dont c'est fait pour moi dans cet épisode, ça ressemble vraiment à une fin. Et ouais. Mais on sait déjà qu'il y aura une suite. Oui, évidemment. Oui, oui, oui. Mais justement, ça me pose la question, comment est-ce qu'on construit une saison 3 en se basant là-dessus? C'est exactement comme à la fin de Last Jedi. C'est genre, t'as l'impression que c'est une fin, mais en vrai, t'as tellement de choses qui s'ouvrent en même temps. Ah non, dans tellement la de possibilités. Fin de Last Jedi, et que je trouve qu'il y a bien plus d'ouvertures. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouvert. Je trouve pas que les deux se comparent. Parce que là, moi, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve que à la fin du Mandalorian, déjà, comme on disait, il y a tout l'arc de Mandalore et de qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'il faut que l'autre elle le tue pour récupérer le sabre. En tout cas, c'est ce qu'elle a l'air de dire. Donc ça, c'est vachement ouvert. Et justement, le fait qu'il parte avec Luke, ça reste vachement ouvert aussi. Je veux dire, il l'étrangle pas dans son vaisseau, puis hop, c'est fini, plus le gros goût. Il va en faire quelque chose. Si seulement. C'est ouvert là-dessus. Quoi. Ouais, mais je trouve que je trouvais que la saison 1 et la saison 2 étaient liées par plus de choses que la saison 2 et la saison 3 qui... Oui, alors, bien sûr, okay, mais c'est normal, il y a souvent après, ce genre de... Terminer. Je trouve qu'il y a que vraiment le gros arc, c'est Mandalore. Mm-hmm. Ça fait un lien avec la saison 2, peut-être gros goût, parce qu'évidemment, le personnage est tellement populaire que ce serait impensable qu'il ne revienne pas. Ça me pose des questions. Je comprends. Et je pense que c'est justement fait exprès de faire un truc en rupture comme ça, parce que aussi ça les libère un peu plus pour ce qu'ils vont pouvoir faire dans la saison 3, le fait de, Grogu il est parti de son côté pour l'instant, et maintenant on va pouvoir plus vraiment se concentrer sur les Mandaloriens. Ça, bien sûr que je pense que quand ça va commencer la saison 3, ça aura l'air de pas être lié au reste, parce qu'à mon avis ça va commencer à fond sur l'arc Mandalore et tout. Mais... ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, et souvent les arcs du milieu ont cette espèce de rupture qui ensuite trouve sa conclusion dans le troisième. Le second acte, c'est comme pour l'Empire contre-attaque, quoi. Le deuxième acte est toujours une rupture, il se passe toujours quelque chose de plus inattendu, si on peut dire. Le deuxième acte, c'est toujours celui où t'as tous les caméos, en fait. Non, attends. Mais je suis un peu d'accord avec Tuki et par rapport à ça, mais aussi avec Ximnut. C'est là où je suis un peu ambivalent. C'est que je vois ce que tu veux dire avec Ximnut quand tu dis que ça ressemble à une fin, parce que c'est aussi pour ça que j'étais aussi dévasté à la fin de la saison 2. Parce que moi aussi, je l'ai ressenti comme ça avec Ximnut. Moi aussi, je me suis dit merde, est-ce que c'est vraiment la fin de l'arc de l'arc Grogu? Est-ce que Grogu c'était qu'un seul acte, un seul arc? Est-ce que vraiment on s'arrête là maintenant pour ça? J'espère de tout mon cœur, Tuki, que t'as raison, parce que sinon ça voudrait dire que tout le cheminement du personnage de Din, que ce soit dans l'épisode 5 où il sert qu'à ça, mais même depuis les 16 épisodes, ça serait un gâchis incroyable d'éléments scénaristiques et narratifs si vraiment l'arc de Grogu s'arrêtait là. Moi, je veux voir Din au début de la saison 3, mais triste à cause de ça, tu vois. Ouais, ouais. Ça sera clair. Pour moi, c'est... T'inquiète pas, ça sera évident. Pour moi, c'est pas GG et Terrio, tu vois. C'est des mecs qui savent écrire, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup l'intention de faire exprès, de donner l'impression que c'est la fin de Grogu, parce que, du coup, ça crée une sorte de manque d'attente et de besoin chez les spectateurs. Ça les libère aussi un peu de ce côté-là pour justifier que, boum, la saison 3, ça va être full Mandalorian, par exemple. Et aussi, ça permettra encore plus de retournements émotionnels quand ils le feront revenir à la fin de la saison 3 ou en milieu de saison 3, ou peu importe quand ils le feront revenir. Mm-hmm. Parce que justement, les gens auront eu cette impression de fin, mais un peu inachevée, tu vois, ça s'arrête trop vite, trop brusquement, etc. Et du coup, ce sera plus récompensant quand il y aura le payoff derrière. Je crois que j'avais dit ça dans le live qu'on avait fait, c'est vu même d'un point de vue simplement communication, tout ça, tu introduis Grogu déjà, succès mondial instantané, là tu l'enlèves de la série. Imagine, moi je me pense même, je vais même plus loin, je pense qu'on ne l'aura pas de la saison 3, quand ils vont le refaire revenir ensuite derrière, ou même à la fin de la saison 3, à la toute fin, pareil, ça va de nouveau parler de gros goûts de partout, ça va être aussi un et gros truc, je pense que c'est calculé quelque part comme risque. Et, oui, gros goût return. C'est très important pour l'arc de Dean aussi, parce que tant qu'il ne l'aura pas perdu, il ne se rendra pas compte de à quel point il y est attaché. Oui, mais... Et non, même non, parce que les autres, il a besoin d'avancer par lui-même aussi. Les autres fois où il l'a perdu, c'était pas selon ses c'était propres. C'était pas volontaire. Voilà, c'est ça. Un kidnapping. Oui, il le laisse lui-même partir, et en fait, c'est une erreur. Mais même, je vais dire un truc qui va faire plaisir à Adrien, c'est que dans le premier épisode de la saison 2, on voit beaucoup moins gros goût que dans le reste de la série. On le voit presque pas, et il est là, il sert pas à grand chose. Et c'est un des épisodes dans lequel t'as les trucs les plus épiques. Je veux dire, t'as un dragon crate et tout. Et en fait, je me dis, enlever un peu gros goût de l'équation, ça va aussi les aider à faire des trucs avec, justement, comme je disais, un scope un peu plus grand. Ça beaucoup libère. Plus d'envergure, en fait, parce que t'as pas peur pour le petit bébé à côté qui est fragile, quoi. Ouais, comme disait l'alien, c'est pas un endroit où emmener un enfant. Du coup, ça va leur permettre beaucoup plus de liberté sur ce qu'ils font faire à Dean. Ouais. Les épisodes sont nommés des chapitres. Je pense que là, les deux saisons qu'on a, c'est un bouquin. Faut voir ça comme ça, hein. Clairement, c'est la fin d'un arc scénaristique, le début avec Grogu, le début du Mandalorian. Faut se dire, ça s'arrête là. C'est que le début. C'est que le début de l'histoire. Là, on va avoir, je pense, une saison peut-être sur Mandalore. Je pense qu'il faut au moins ça, vu le nombre d'épisodes, de toute façon. Mais je pense que Grogu reviendra ensuite, une fois que même Dean aura encore mûri, aura encore progressé. Saura ce qu'il voudra peut-être à ce moment-là réellement, parce que là en l'occurrence il a laissé le gamin décider. Bon, c'était un peu ce qui lui était dit de faire, mais même s'il commençait vraiment à s'attacher, on l'a vu, il a quand même laissé l'enfant décider, parce que lui maintenant il faudrait qu'il sache ce qu'il veut réellement. Il a passé sa vie à faire des primes, des contrats, à pas trop savoir quoi foutre de sa vie. Je pense qu'il a besoin aussi lui de se poser quelques instants seul, avec d'autres Mandaloriens, mais entre guillemets seul, d'avancer par ses propres moyens vers quelque chose, pour ensuite savoir vraiment ce qu'il veut et retrouver au goût, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, surtout... ça peut être, c'est super enthousiasmant, je trouve, pour le personnage d'en arriver là à la fin de la saison 2. Oui, parce qu'en plus, Dean, il a tout cet aspect, déjà son lien avec son enfance, qui fait qu'il a... Il n'a pas encore grandi au-delà de ça. Il a, si tu regardes, toute sa vie, c'était... obéir aux dogmes. Il a tous les dogmes des Mandaloriens. Ensuite, il était chasseur de primes. Et chasseur de primes, c'est tu fais ce qu'on te dit et tu récupères l'argent à la fin. Et tu poses pas de questions. Et tu te poses pas de questions et tu réfléchis pas. Jusqu'à ce qu'il gros goût. Là, ça commence à bouleverser tout son truc. Il y a eu tous les épisodes sur les questions éthiques, les questions du bien et du mal et ce genre de trucs où ça commençait aussi à le travailler. Et, le mec, il s'est pris des cours de philo en pleine gueule. Il était genre. Même le fameux épisode du Meltdown avec Mayfield, il l'a pris dans la tronche aussi. Oui, voilà. Tous les trucs de se questionner, tout le chemin qu'il a fait, au fait d'enlever son masque en se disant est-ce que ce qui est important, c'est les dogmes et ce qu'on m'a dit et répété de faire absolument toute ma vie, ou est-ce qu'il y a des choses plus importantes, etc. Et il n'est pas encore tout à fait sorti de ça parce qu'il avait encore ce côté, par exemple, ça c'était tout son aspect personnel. De Mandalorian et puis il a fait ça pour sauver la mise et ce genre de truc, mais il a par rapport à Grogu il a pas encore ce côté de réfléchir pour un autre, parce que déjà il doit apprendre à prendre soin de lui et à se connaître et à prendre les décisions pour lui, et il est pas encore prêt à le faire pour Grogu, et c'est pour ça qu'il a tout ce truc de on m'a dit qu'il fallait le donner aux Jedi parce que de toute façon moi je sais même pas m'occuper de moi, alors qu'est-ce que je vais m'occuper d'un bébé. Et du coup, il a suivi ce qu'on lui a dit et tout, et il va avoir besoin de faire ce chemin de est-ce que finalement ma connexion avec Grogu et tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce qu'on sait l'un de l'autre, c'est pas ça qui devrait m'aider à choisir avec lui ce qui est le mieux, plutôt que des gens random qui nous ont baladés à gauche à droite et qui nous ont dit ouais, bon, c'est ça qui est mieux. Et il y a aussi tout le truc d'Ahsoka qui a commencé à lui faire se questionner ça, mais tu vois, il était genre je suis allé voir un Jedi, il m'a dit de réfléchir par moi-même. Et Et voilà, il a encore ce chemin-là à faire pour apprendre à se faire confiance et pour apprendre à communiquer ses envies et ses besoins et pas juste suivre le chemin qui lui est indiqué. Pour quelqu'un qui avait du mal à parler. Je suis d'accord avec tout ça. Mais ouais, non, mais c'est vrai, c'est important pour lui de trouver qui il est maintenant. Qu'il est seul. Qu'il est maintenant, surtout tout son ordre. Voilà, il a plus ses lauriers sur lesquels il se reposait. Enfin, ses lauriers, en plus, c'est même pas les siens, quoi. C'est les lauriers des autres. Et si tu. Pardon. Vas-y. Non, je t'en prie. Si tu regardes son parcours, en plus, ça va vraiment vers là, parce qu'on lui a montré différents types de mandaloriens. C'est-à-dire que le mec, il avait son propre pensée. En fait, on dirait vraiment, un RPG, quoi. C'est tu commences avec ce truc-là. Tu sais, starter Pokémon. Hein. Tu sais ça sur toi, et puis d'un coup, tu rends compte qu'il y a d'autres voies possibles. Tu sais, this is the way, en fait, ça dépend franchement de la personne et de son groupe, finalement. Et du coup, le gars, il a l'exemple du mec qui c'est un mando par plein d'aspects, mais il se sent pas du tout lié aux autres mandos. Et de l'autre côté, il a les mandos qui se revoient mando surtout par rapport à leurs origines de Mandalore, alors que lui, son truc de mando, c'était les mandos parce qu'ils ont l'armure et des dogmes très précis. Et du coup, il va pouvoir se former autour de tous ces trucs-là et choisir son propre chemin. Moi-même, sans parler de. Sans voir cet aspect RPG de sacré intéressant, enfin, je peux pas trop voir intellectualiser le truc, mais il y a une grosse analogie simplement de la paternité en général, quoi. On sort Il sort d'une situation qui était quand même entre guillemets confortable, pas dans le sens où il avait les pieds posés sous la table, mais globalement, il n'avait pas trop à réfléchir à ce qu'il devait faire, vers où il devait aller. Et quand la paternité te tombe dessus, enfin, même si tu es plus ou moins prêt, t'es jamais prêt. Pas. C'est ça. T'es jamais prêt. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. T'es jamais prêt. Tant que tu l'as, même une fois que tu l'as dans les bras, t'es pas toujours pas prêt. Mais c'est justement, enfin, je trouve qu'il y a ça qui est très intéressant. C'est peut-être moi qui en fais des caisses, je ne sais pas, mais vraiment, je vois ce côté-là où il se retrouve avec un enfant sur les bras, il est juste pas prêt. Et là, il a peut-être besoin de se poser 5 minutes pour savoir comment s'y prendre. Non, mais il y a plein de choses dedans qui résonnent, j'ai l'impression. Ça me parle beaucoup, personnellement, ça me parle beaucoup. Quand t'es parent, il y a plein de trucs qui résonnent beaucoup plus facilement. Surtout qu'un des trucs de la parentalité, c'est que tu n'as jamais fini d'apprendre. C'est-à-dire, tant que tes enfants sont tes enfants et vivent avec toi et ont pas... même, je pense, que toute leur vie, en fait, tu apprends tous les jours à être un parent. C'est pas un truc où genre, l'instinct maternel, ce genre de truc. Non, non. Être parent, tous les jours, tu apprends des nouvelles choses et tu dois faire apprendre des choses. Et c'est sans cesse un truc d'apprentissage. T'as jamais un moment où, c'est bon, je suis top parent, j'ai tout appris. Ça change tout le temps. Si tu crois ça, c'est que t'es un mauvais parent. Ça, c'est nos parents à nous. C'est nos générations de parents à nous qui même croient. Même quand le mug avec écrit « Best Dad ».« Best Dad ». Et en fait, lui, Dean, il n'avait jamais à apprendre, parce que techniquement, on lui a foutu les dogmes, et à partir de là, on lui dit « voilà, tu fais ton truc ». Et lui, il était chasseur de primes, et si tu regardes son approche dès le premier épisode, il était ultra bourrin, en plus, c'était vraiment pas un mec qui était « je vais réfléchir à une stratégie, c'est genre j'y vais, je pose mes couilles à côté de mon gobelet sur le comptoir, et puis si le mec il est pas content, et ben tant pis, je le carbonise ». Et c'est pour ça qu'il a pas de protège zizi. et c'est pas un mec qui réfléchissait par lui-même ou qui se posait des questions philosophiques ou qui même avait la volonté d'apprendre quoi que ce soit, tu vois, il avait son train-train, voilà, il n'en sortait pas. Et là, il va devoir apprendre plein de choses et il va devoir apprendre que il va passer le reste de sa vie à apprendre. Courage, mec. Surtout que le sien, il sera toujours un bébé quand il sera mort. Oui, ça joue. Ah oui, mais le bébé sera toujours un bébé. Il y a ça qui est dramatique, c'est qu'ils sont pas du tout dans la même temporalité. En plus, ouais. Et c'est terrible parce que voilà, effectivement, quand Dean aura, s'il y arrive, 90 ans, voire peut-être un peu plus, il sera toujours un bébé ou un enfant maintenant. Alors, Grogu, à mon avis, son espèce. Tu vois bien que le gamin, il est ultra intelligent, hein, il comprend tout et il retient tout, tu vois. Vraiment, je pense tu l'as que... vu avec les fils. Mais attends, normal, c'est un bébé, tu vois. C'est quoi ce double discours, là? Non, mais tu vas pas lui demander d'être ingénieur non plus, tu vois. Mais je veux dire, d'un point de vue du personnage de Grogu, Même si son papa meurt quand lui aura je sais pas 60 ans non plus non, peut-être 90 ans plus. Voilà, le plus tard possible s'il vous plaît. Et ben il aurait été important dans son histoire à gros goût, tu vois. Oui, c'est pas grave, c'est pas une raison pour ne pas. C'est pas ça la question. On dit pas que c'est pas grave, on dit juste que c'est un petit peu triste. Il le verra jamais être adulte. Il le verra pas. Oui, c'est un peu la finalité, quelque part, quand t'es grand, c'est qu'au final, ils grandissent, quoi. Il devient adulte et il fasse aussi sa vie derrière. Peut-être, après, je ne suis pas parent, mais je veux dire, à mon avis, je pense, cette finalité-là. Il va prendre conscience que en fait bah c'est pas sa vraie finalité. Mais sa vraie finalité ça va être le fait que son fils soit dans les meilleures conditions possibles. Bah oui, bah comme là à la fin de la saison 2, donc voilà, il est dans les meilleures conditions possibles. Alors pourquoi tu râles ? Oui. C'est surtout qu'il va devoir lui assurer son avenir, simplement. Enfin, c'est ce que fait un parent. Bah, en plus, Digne, c'est quelqu'un qui vit beaucoup au jour le jour, hein, il planifie pas grand-chose. Et là, il va se rendre compte au bout d'un moment qu'il est juste un passage dans la vie de Grogu et que. Voilà. Ça, c'est chaud, on va, hein, aller, on va le voir aller à Ikea, on va le voir aller à Disney. Il va prendre un prêt pour se racheter un vaisseau. Parce qu'il y a un moment où quand il sera... Ah oui, le vaisseau. Ça, on en a pas parlé, ça, du vaisseau. Un des trucs les plus couilles. En fait, c'est là où on aurait dû se douter qu'il allait se passer un truc. C'est-à-dire que ils ont. Genre, à 3 épisodes de la fin de la saison 2 seulement, hein, le Razor Crest se fait démolir en 1000 morceaux. Et en plus, ça prend pas long, enfin, c'est brutal. Hein. Ouais, c'est littéralement vaporisé, il n'y a plus rien. Et en même temps, bébé Yoda, il se fait choper. Et à la fin, bébé Yoda, Grogu, il se fait emporter par Luke. Enfin, je veux dire, ouais, il a. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, genre, il a tout perdu. Il a perdu sa baraque, son moyen de transport et son fils. Et son tout clan. Et son clan, dans la saison précédente. Mais il s'est fait des nouveaux clans. Tout ce qu'il a, c'est du Beskar. Il a perdu en plus c'est son comment ça s'appelle ça quand tu te forces à faire quelque chose et à t'y tenir ça. Way. son vœu de jamais enlever son masque, tu vois, ça aussi il l'a perdu. Ah, voilà, il est complètement déconstruit comme le Razor Crest. C'est pour ça qu'il a besoin de prendre le temps là. Et en même temps, il a Mandalore maintenant, quoi. Et genre, c'est littéralement le chef de Mandalore s'il veut, quoi. Tu vois, pour l'instant, enfin, s'il veut pas, c'est ça le truc. Pour l'instant, il a plein de distractions. Ouais. Et le truc, c'est que, comme je disais, c'est quelqu'un qui se projette pas dans le futur, mais il y a un moment où il va devoir se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie, s'il retrouve Grogu, comment, où il s'installe, comment ils font, et surtout. La suite, quand il sera mort, qui s'occupera de Grogu, qu'est-ce qu'il laissera derrière lui. Le fait d'assumer sa parentalité, ça va lui faire poser plein de questions. Le mec, il va prendre 40 ans dans la gueule d'un coup, il va vite comprendre ce que c'est d'être parent. Ah là, il va garder son casque. Là, j'ai trop de cernes, désolé les gars. Il a fini de faire le BG, mon ami. Ouais, quand il chaud, retire son casque, il ressemble à Michel Blanc. C'est un truc qui est intéressant aussi avec le jeu de Pedro Pascal, c'est que quand il retire son masque, il continue d'avoir une gestuelle de comme quand il a son masque. Par exemple, au lieu de baisser les yeux pour regarder un truc, il baisse toute la tête. Il reste très la tête très droite et tout. Et c'est rigolo parce que c'est majoritairement pas Louis. Sous le casque. Ce n'est pas Louis sous l'armure. Majoritairement, c'est d'autres gens. Et quand même, il a pris ce petit truc-là. Et c'était un petit détail qui était rigolo de voir que. Il garde la tête bien droite, il tourne la tête doucement. Enfin, voilà quoi. Tellement des expressions de bébé en plus quand il a pas son casque. Ouais, regarde il pleure. Le pauvre, il est tellement stressé. Il y a l'autre qui commence à faire plein de trucs, parler plein de trucs, et lui il est genre trop paumé, genre qu'est-ce que je fais. Il doit se sentir. Il est même pas capable de dire son nom. Il est pas capable de dire son nom. Attends, ils vont entendre ma vraie voix. Non mais c'était. C'est rigolo. Il était en position de faiblesse. Maintenant, il faut qu'il apprenne aussi à s'y faire, à ça, au fait de ne pas avoir le masque. Est-ce qu'il va régresser ou est-ce qu'il va continuer dans sa lancée? Ça, c'est aussi une question. Il y aura une possibilité. C'est rigolant, mais c'est. Pardon. C'est un bébé adulte, en fait. C'est un bébé adulte. C'est pas un ado dans le sens crise d'ado, machin. Et si, en fait, c'était lui, le vrai bébé Yoda. un jeune adulte paumé et qui sort complètement de sa zone de confort, qui perd tous ses repères et qui fait qu'il se reconstruise aussi. Mais ouais, c'est comme, derrière, tu sais, c'est comme les gens qui sortent des cultes genre mormons et trucs comme ça, et à l'adolescence ou à l'âge adulte, et qui se rendent compte qu'ils n'ont jamais vécu le vrai monde comme c'était réellement, et que du coup ils doivent se réadapter et tout réapprendre. Sauf que son vrai monde, il y a quand même des blasters de partout. Ouais. Le tuer et puis des dark sabers. Et puis tu sais, c'est ça qui est rigolo, c'est que Dean, lui, il a été. C'est comme s'il était un nouveau-né en quelque sorte, parce qu'il doit apprendre beaucoup plus de choses et il connaît rien. Et à côté, t'as son bébé, lui, il a 50 balais, il a vu la chute des Jedi. Son fils est plus vieux que lui, quoi. Et lui, il aime les gâteaux. Tu disais ? Son fils est plus vieux que lui. Non, je demandais à Matt. Oh, pardon. Non, je disais juste que son fils, lui, il aimait les gâteaux. Même s'il a 50 ans, son truc, c'est les gâteaux. Bah oui, bon, bah. C'est bon, ouais. Les gâteaux. C'est plus que je. C'est vrai, ça. 10 minutes, ça fait longtemps qu'on t'entend plus, du coup. Ah oui. Non, je pense que vous avez tous des vachement intéressants arguments et que j'ai pas grand chose à ajouter. Tu demandais par rapport à la régression, et je pense que oui. De toute façon, c'est souvent comme ça dans les développements des héros, des trucs comme ça. T'as toujours un moment où ils régressent. Et surtout, lui, il y a largement la possibilité de le faire, parce que si le mec il fait ok, je vais aider les autres avec Mandalore, ça va être baston. Du coup, le mec il va pouvoir retourner dans sa zone de confort qui est je suis juste une armure qui fait piou-piou et je réfléchis pas, tu vois. Non, ouais. Et à la fin, les 10 dernières minutes du dernier épisode, il fait c'est bon, j'en ai marre. Il jette le Darksaber, il appelle quelqu'un, et tu vois, il prend son vaisseau, il revient sur la planète, là, avec les crevettes bleues, il va embrasser Omera, il y a un autre vaisseau qui arrive, et t'as Luke qui fait « Pourquoi tu m'as appelé ?» Il fait « Vas-y, redonne-moi le petit, casse-toi, toi. » Et c'est la fin. Il jette pas le sabre, il fout le sabre dans un rocher, tu vois. Démerdez-vous, celui qui arrive à l'enlever du rocher, il est roi. Quand la lame s'éteint, le truc il tombe juste. Eh, c'est un limbo, hein, faut pas trop lui en demander. Je sais qu'il faut pas se faire de film, mais c'est vraiment la fin que j'espère. De quoi ? Pour la série. Enfin... Pour l'instant, hein, on sait pas comment ça va évoluer, mais pour l'instant, ça paraît être le truc le plus sain qui puisse arriver. Après, est-ce que Star Wars est prêt à avoir une fin heureuse? Il n'y en a pas eu depuis 40 ans. T'imagines une famille qui finit ensemble avec les parents en vie, les enfants qui vont bien. Attends. Comment ils ont arrivé à nous surprendre plus ou moins bien jusqu'à présent avec la série. Donc ouais, on va voir comment ça va. Mais moi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Surtout si... place pour s'exprimer aussi. Surtout s'ils commencent à... Enfin, s'ils font les grosses batailles à grosse envergure autour de Mandalore et tout, là, ça va être fun. Parce que oui, de temps en temps, c'est fun, les grosses batailles. Ben, surtout si t'as du bagage derrière. Quoi. Surtout sinon, si t'as plein de madame mandalorienne. Ouais. Mais ça, on en a pas parlé, en fait, par contre. Pourquoi il y a personne qui a parlé de la madame ? Pas de voler, toi. Ben, on voulait pas te faire du mal au cœur. Ah. Plutôt, tu en parles si bien. Comment ? Mais non, mais c'est vrai que quand même, pourquoi tu castes une meuf qui fait des arts martiaux et puis en fait tu la mets juste devant une console pour faire bip-boop devant des boutons et répondre au téléphone, quoi. C'est bien quand il y avait eu tout le casting du raid dans TFA et qui servait juste à courir dans les couloirs. Mais oui, c'est ça en fait. Tu regardes pour les castings, Lucasfilm, mais ils font n'importe quoi à chaque fois. Je veux dire, avoir casté. Rosario Dawson. Déjà ça oui, mais pour avoir casté Lupita Nyong'o pour jamais la montrer son visage, mais putain, mais les gars. Bah, et encore, genre, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est ils ont carrément mis une marionnette dégueulasse à la, dans le troisième film à sa place, quoi. Eh oui. Du coup, ils pouvaient rien faire avec. J'ai oublié. Ça, ouais, c'était aussi tout un truc. Hein. Ouais. Oh, quelle réussite ce film! On peut en parler pendant des heures. Après, ça se trouve, la madame, elle va revenir en cyborg ultra badass, genre Terminator, et on va être genre. C'est la cyber madame. Matt, il faut que tu fasses le montage. La cyber madame. On peut en mi madame. Les nouveaux Dark Troopers. Les Dark Troopers d'ailleurs, oui, donc il y avait aussi tous ces trucs-là, tous les trucs de l'univers Legends qui sont revenus un petit peu, dont les Dark Troopers et bientôt Kyle Katarn aussi. Attends, par rapport aux Dark Troopers, tu sais, ça me fait trop marrer parce que le gars, il était, ouais, avant c'était des cyborgs, tu vois, c'était des humains mélangés à des robots, ils étaient badass, et puis plus c'est allé, plus on les a améliorés jusqu'à enlever le facteur qui marchait pas et qu'on s'est rendu compte qu'il marchait pas depuis le début, qui était le côté humain. Ça, c'est parce super que... intéressant. Non, mais non, qui était le côté humain, ouais. Parce que c'est ça qui est prône, je sais plus quoi le mot, qui est oui, du genre à ce qui est. Ils hésitent. Qui provoque souvent des erreurs et tout, et genre, ouais, le mec, il a réinventé les droïdes. Bravo. Mais c'est ça. Non, mais c'est intéressant aussi, vraiment, tout ce truc-là. Non, où t'as les méchants, c'était des soldats dans des grosses armures qui sont devenus petit à petit des droïdes, et en face, les héros, c'est justement des gens en armure super, super forte et tout, mais justement, eux, leur force, c'est que c'est des humains à l'intérieur. Ce qui prouve qu'ils vont complètement à contre-sens par rapport au truc, et que la déshumanisation, bah, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, surtout pour se battre. C'est une constante de science-fiction, en fait, cette histoire de déshumanisation. Mais je dis pas qu'il manque d'originalité, justement, c'était bien foutu. Moi, j'étais content, justement, de cette opposition entre les deux. Puis pour avoir fait... pour avoir vu les Dark Troopers dans 2-3 médias de Legends, c'est un truc que j'ai dit, je sais plus à quel épisode, mais j'arrête pas de dire depuis le début de la saison que j'aime pas le fanservice, mais en fait, à quelques exceptions près, la plupart du temps, j'étais content. C'est ça qui est ouf. Ça marche bien, en fait. C'est pas les deux connards qui se retrouvent sur Jeddah et t'as la caméra qui s'arrête 10 minutes sur eux. Avec ça, mec, c'est 2 ans. Mais, non, ça fait 3, ça fait attends, non, c'était 2000, ça fait bientôt 5 ans. Je parle du podcast. Oui. Et non, mais c'est ce que je veux dire. Et, non, mais après, c'est pour une fois que je gueule pas sur l'épisode 9, Matt, enfin, franchement. Ouais, on a le droit de gueuler sur autre chose aussi, quand même. Je veux dire, autant taper sur des trucs qu'on aime bien, et ben dans un autre truc que j'aime bien. Et ben, malgré tout, les caméos de C3PO et des deux Gugus sur Jakku, ben c'est nul à chier. C'est vraiment ultra nul à chier. Sur Jeddah, pardon. C'est les planètes. Tout est noir en J. Les planètes avec du sable. Ouais. Et alors que là, la plupart fonctionnent. À part quand tu dis juste « Où est l'amiral Thrawn ?» et il n'y a même pas la musique qui soutient le truc, c'est même pas une révélation ou quoi que ce soit. C'est juste... Et t'as la caméra qui est comme ça, et puis genre elle se regarde juste comme ça, sans expression et sur puis la scène. Là, t'as un mec qui arrive derrière et qui fait « Tin, tin, tin !» Ouais, c'est ça, t'as vraiment deux secondes où ils attendent la réaction des spectateurs en mode genre « Oh mon Dieu, il parle du fameux Amiral Thrawn !» C'est quoi, c'est le moment où tu mets derrière enregistré dans les films. Mais c'est trop ça. Tu sais ce qui aurait été bien ? C'est trop ça. Oh punaise, faut le faire. Ce qui aurait été génial, c'est que le mec sorte de l'eau, mais sans être mouillé, tu vois. Il sort de l'eau devant elle, sans être mouillé, il fait « Je suis là !» Je suis très intelligent. Je vous attendais, monsieur Bond. En train de caresser un autre chat, tu vois. Tu savais. Mais ouais, ça par exemple, ça c'est vraiment, mais c'est nul. Et ouais. Pour les gens qui regardent que la série, qui connaissent pas Star Wars et encore, enfin, c'est un personnage soit de l'univers étendu, soit des bouquins actuels, soit de Rebels, mais genre, dans, si t'as vu que les films et la série, ça ne veut rien dire et ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien dans la saison. C'est comme s'ils avaient, ils avaient fait genre Dean qui demande « Mais du coup, c'est à toi le sabre, c'est ça, c'est toi qui l'as fait, machin, à Bo-Katan. » Elle fait « Non, je l'avais obtenu de Sabine, qui l'avait repris des mains de Dark Maul, qui lui-même l'avait volé à ma sœur Satine. » Non, parce que Dark Maul, ils savent qui c'est, attention. Ouais, mais il y a Sabine. Sabine, ouais, Sabine. Mais Dark Maul, il existe. Oui, ouais, Dark Maul, il a un double sabre laser rouge, là, pourquoi il a le Dark Saber? Non, c'est donc, Sabine Wren qui me l'a donné. Rien d'autre. Et elle apparaît plus jamais après. Tu vois, c'est exactement ça. Ça n'a aucun sens. On se sent plein de ça. Enfin, beaucoup de spectateurs qui ne sont pas des gros fans hardcore de Star Wars se sont plein de ça. Hein. Mais même des gens qui savaient qui c'est parce qu'ils avaient l'impression qu'on se foutait de leur gueule. Mais en plus, des gens qui ne sont pas fans, qui savent quand même qui c'est Thrawn parce que ils nous suivent et qu'on est des gros casse-couilles. Mais... Bah, à vous, d'ailleurs. Moi, je comprends pourquoi ça les a saoulés. Mais en plus, ça sous-entend, enfin, le fait qu'elle demande à quelqu'un qui a priori un sbire de l'Empire où est Thrawn, ça sous-entend que Thrawn, il s'est sorti de son truc avec Ezra et qu'il a continué à faire son job pépère. C'est... Non, mais ça, c'est logique. C'est ça qu'ils veulent comme truc. Bien sûr, mais du coup, qu'est-ce que ça... Pas dramatique, pas... Et c'est nul à chier, ça veut dire que, qu'ils ont fait leur truc et que tout est resté comme avant, en fait. Donc, il n'y a eu aucune évolution, il s'est rien passé d'intéressant avec Ezra et Thrawn, il est assez coordonné là, entouré de Purgil. Mais pas aller voir, parce que bon, il y avait trop de Purgil, on vous laisse. Et ça, entre ça et les clones... Les clones de Palpatine. À la fin, c'est que même quand tu sais qui c'est et de quoi ça cause, tu vas te lever de ta chaise, mais tu vas te rasseoir aussitôt parce que ça aboutit à rien dans l'épisode. Oui, c'est ça. Mais même dans la saison, même dans la série, je pense que. Imagine. À moins que ce soit Thrawn qui soit le grand Overlord de Mandalore maintenant. Alors là, pour le coup, oui, ça mènerait quelque part. Mais au sein de la saison. Ça voudrait. Qu'est-ce que serait devenu Ezra? Soit ils ont voulu faire un truc comme avec Boba dans la saison 1 et hop, révélation saison 2, machin. Ouais, mais ils étaient pas là, genre Boba Fett. Oui, voilà. Ce que je dis, c'est mal foutu pour le coup. Soit effectivement, c'est vraiment juste pour introduire Ahsoka, c'est mal branlé. Et ben, le problème, c'est que en fait, t'es pas récompensé. T'es pas récompensé de savoir qui c'est. C'est ça le truc. Si on te balance un truc comme ça et tu fais ah, je sais qui est Thrawn, j'ai vu machin et tout, j'ai eu les bouquins, c'est trop bien, je suis trop content, et que t'as une récompense derrière pour ça, pour avoir su qui c'est et qu'il se passe un truc dans la série, c'est cool. Ta récompense, c'est là, la série Rosario Dawson. Et en plus, c'est même pas excitant parce que t'es dans la série The Mandalorian et tu te dis bah, ouais, mais du coup, j'espère qu'ils vont pas en faire la suite de Rebels parce que moi, je voudrais la suite de Rebels à part. Je voudrais pas que ça prenne le pas sur le Mandalorian qui est censé avoir sa propre histoire à lui. Du coup, t'es genre, c'est super, tu sais. Confusant. Contradictoire. Non, ça te rend confus, quoi. T'es genre, mais moi je regarde le Mandalorian pour le Mandalorian, en fait. Je serais content qu'il y ait une suite de Rebels, mais je voudrais que ce soit à part et son propre truc. Donc pourquoi essayer de merger. Ouais, pourquoi essayer de merger les deux? Pourquoi Thrawn? Pourquoi maintenant? Je suis pas d'accord. Moi je regarde le Mandalorian pour COP20 et Boba Fett. Et la madame et. La madame. Et tous les gens qui... Moi, je connais des gens qui ont dit je bite rien à Star Wars, j'y connais rien, ça m'intéresse pas, mais le Mando, j'aime bien, c'est trop cool. Ils ont battu toute la saison 1, ils ont kiffé. Là, et la saison 2, c'était plus difficile. Hein. 2, à mon avis, ils vont être un peu perdus. Ils vont venir me voir et me dire, bah, en fait, c'était qui, machin, parce que... C'est vrai que j'en ai pas parlé à ma sœur, mais genre ma sœur et son copain, ils aiment Star Wars sans plus, tu vois, c'est pas des gros geeks comme nous. Et genre le Mandalorian, c'est moi qui leur ai dit d'aller regarder parce qu'ils avaient aucune idée qu'il y avait une série Star Wars qui était sortie, ils savaient pas du tout ce que c'était, et j'étais genre c'est trop bien, allez-y voir, c'est trop bien. Et puis ils ont fini par aller voir et ils ont super accroché à la saison 1, ils étaient trop contents que quand la saison 2 a été annoncée et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas eu leur retour sur la saison 2, faudrait que je demande. Mais voilà, ouais, il y a le Mandalorian, il y a des gens qui regardent juste parce que ils ont découvert la série, ils ont accroché à la série, et même sans être des fans de Star Wars, ou même s'ils n'ont rien vu du reste de Star Wars. Il y a des gens qui ont commencé à regarder les films Star Wars après avoir découvert le Mandalorian, tu vois. C'est que l'un des avantages de la série, c'est que ça partait plus ou moins de zéro sans avoir à se mater 9 films, ou allez, 8 films. Mm-hmm. Plus les bouquins, plus... Ouais. Voilà, enfin, tu pouvais globalement commencer ça sans pas connaître grand chose à Star Wars. Tu sais que ça se passe dans l'espace, qu'il y a des blasters, des et déjà avec ça. T'as des choses à partager, Funeli? Non, bah, c'est que par rapport à ça, ouais, moi, pendant que la série sortait, il y avait des gens, des potes qui m'envoyaient des DM pour me dire qu'il y avait quand même plusieurs épisodes où, à chaque fois qu'il y avait une name drop, ils devaient aller chercher sur Google pour comprendre, quoi. Mais il y a des gens qui aiment bien, mais d'autres, pas tout le monde, enfin, surtout. Bah, ça fait un peu club même si restreint. Tu peux bien aimer découvrir des trucs, mais ça reste frustrant d'avoir des devoirs à faire quand tu veux juste mater une série. Ouais, il y a des gens qui le font pas parce qu'ils ont pas envie de mettre en pause l'épisode et chercher le truc en essayant de retranscrire à l'oral ce qu'ils ont entendu, enfin à l'écrit ce qu'ils ont entendu. Et t'en as qui se disent bon, je sais pas ce que c'est, et ils pensent pas aller le chercher après parce que la flemme, ou parce qu'ils ont pas envie, ou parce qu'ils ont oublié. Enfin, tu devrais pas aller avoir à googler des trucs parce que tu t'as pas la référence dans une série qui est censée être son propre truc, tu vois. À une série qui est censée être grand public, je veux dire Clone Wars, Rebels, pour les enfants à la base, mais si tu es à fond dans Star Wars, tu sais que tu peux y trouver quelque chose, y trouver ton compte, et voilà. Mais c'est, du coup, ça devient presque un truc de niche, en l'occurrence, par rapport au public de base, au public ciblé de base. Mais là, c'était censé être grand public, quoi. C'était le produit d'appel de Disney+, ça l'est toujours, je crois. C'est compliqué de commencer à diviser, on va dire, l'audience de la série pour les fans ou pour recoller les morceaux des séries précédentes. Quoi. Ouais, parce que si tu veux introduire des références comme ça qui sont que le grand public n'aurait pas forcément, si tu veux vraiment que ce soit toujours accessible, il faut les expliquer et ça devient lourd, tu vois. Il faut vraiment faire le contexte autour. Genre, il me semble que dans Résistance, tu peux regarder la série sans trop connaître le reste parce qu'il t'explique beaucoup les choses, mais sans que ça fasse forcer, tu vois. Sans que ce soit « Ah oui, du coup, on parle de ça, mais alors il faut qu'on vous dise ce que ça c'est, parce que vous allez être perdus sinon. » Tu devrais pas... Enfin, qu'il y ait des petits clins d'œil de temps en temps pour faire plaisir aux fans, pourquoi pas, mais c'est même pas obligatoire. Enfin, je veux dire, si t'es un fan, t'es content de voir du contenu Star Wars, t'as pas besoin qu'on te fasse des clins d'œil à droite, à gauche et une tape sur l'épaule, tu vois, c'est genre... Pourquoi ? Et encore, là, c'est pas mauvais, mais il y a un risque que le truc se transforme comme l'épisode 9, en fait. Bah, l'épisode d'Ahsoka, genre, les gens qui connaissent pas les séries animées, ils ont aucune idée de qui est Ahsoka. Elle est jamais dans les films. Ouais. Et ils ont aucune idée de qui est Thrawn. Exactement, encore moins une idée de qui est Thrawn. Ils ont aucune idée de qui est Bo-Katan. Voilà, du coup... Mais Bo-Katan, c'est un personnage dans la série. Oui, c'est vrai. Après, ce qu'il faut voir, c'est justement s'il continue sur cette route-là dans la prochaine saison, ou bien justement s'ils vont conserver les bases qu'ils ont posées dans cette saison et dans la première, parce que ce qu'ils ont fait aussi, par exemple, dans la première saison, c'est qu'ils ont posé des personnages qu'ils ont ensuite réutilisés dans la suivante. Ouais. Donc, à voir s'ils font ça ici aussi. Il faudra voir la saison suivante. On verra ça, voilà, c'est ça. Pour l'instant, ça n'a aucun sens. Oui, c'est ça. Mais aussi, on était les premiers à gueuler pour l'apparition de Boba dans la saison précédente. Voilà, mais en même temps, c'était juste des potes, tu vois. C'était pas genre tout l'épisode qui était autour de ça non plus, tu vois. C'est ça, la différence de traitement rend le truc vraiment beaucoup plus bizarre. Bref. Il prendrait beaucoup de place. Tout ça pour dire que. Tout, peu importe dans quelle direction ils vont dans la prochaine saison, je pense que on peut dire un truc qui est intéressant aussi, c'est genre ramener encore des nouveaux réalisateurs et surtout encore des réalisatrices, parce qu'il y avait plus que Bryce Dallas Howard cette saison comme réalisatrice, et ça c'était dommage. Ça c'est un peu enfin, je sais pas pourquoi ils en ont mis qu'une seule, surtout qu'elle fait toujours du super boulot. Comment ? Oui, son épisode est très cool. Parce que c'est Philippe, il a pu faire son épisode avec Ahsoka et qu'il n'y avait plus de place sur le planning. C'est ça, mais honnêtement, oui, comme a dit Funeli, l'épisode de Bryce Dallas Howard, voilà, c'est le meilleur, encore une fois, de la saison. C'est vraiment une réalisatrice qui fait du bien, qui vraiment fait du bien dans sa manière de filmer. Et c'est, je trouve, la meilleure qu'on a eue dans les épisodes de The Mandalorian, qui, en tout cas, la meilleure pour représenter les émotions. J'ai trouvé aussi que Rick, Family War, qui a fait les épisodes 2 et 6 de la saison 1, le 2 qui était mon préféré de la saison 1 et le 6 qui est un de ceux que j'aimais le moins, et l'épisode 7 de cette saison-là, celui où il n'y a pas gros goût du tout, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs de la saison, sûrement mon second préféré avec l'épisode 3, quoi. Je pense que pour moi, cette saison-là, je dirais que mes épisodes préférés, c'est 3, 7 et à égalité les épisodes 1 et 6, je pense. J'ai pas envie de faire un top, j'aime beaucoup d'épisodes dans la série perso, mais ce que je trouve intéressant, c'est déjà effectivement la pluralité des réalisateurs, mais surtout ce qui est cool, c'est qu'ils les choisissent en fonction des épisodes, j'ai l'impression. Enfin, le ton du réalisateur est aussi important que ce que raconte l'épisode en lui-même. Alors, mais c'est très drôle que Peyton Reed il y arrive mieux dans le drama que dans la comédie, alors que c'est censé être réalisateur de comédie. Il y a une reconversion à faire quelque part, mais j'ai trouvé son épisode par hasard. Robert Rodriguez, pareil. C'est le meilleur choix possible. Quoi. Ça a marché. Robert Rodriguez, qui est sûrement celui qui va faire la série sur Boba aussi. Sur Boba et Fennec, d'ailleurs, je l'avais dit. J'avais dit, si Boba, ça devient un personnage récurrent, je veux qu'il soit avec Fennec tout le temps, et j'avais raison. Ils l'ont fait. Ils m'ont écouté. Ouais, une fois. pour le coup, on parle pas assez de l'épisode de l'épisode 4, qui, je trouve, mis à part le fait qu'il y ait Hatsune Miku dedans, est plutôt bien. Oui, ouais, c'est vrai, je l'avais oublié. De gérer l'humour. Je voulais venir aussi justement, pareil, là, pour le coup, je trouve que le ton, la réalisation s'adapte bien au ton des épisodes. Et on ne balance pas juste une poignée de pilotage de réal comme ça, en mode on fait plaisir un peu à tous les réals qu'on connaît, qui sont chauds pour tourner et qui sont dispo. Non, c'est vraiment ok, on va essayer de bosser avec toi sur la série, on pense que tel épisode peut-être te serait adapté, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'il te parle. Enfin, je pense qu'il y a vraiment aussi un travail en amont de ce côté-là. C'est pas juste balancer comme ça. Cool. Donc du coup, voilà, continuer pour la saison prochaine à faire tourner les réalisateurs et réalisatrices. Moins de caméos qui ont l'air gratuits. En fait, plus se reposer sur les bases qu'il a posées pendant deux saisons maintenant et aller de l'avant, quoi. C'est ça, je pense. Oui, parce que les films, les séries et tout, on les a vus, c'est bon, quoi. Passer à autre chose, les cocos, maintenant. Je pense que le fait qu'il y ait tout un panel de séries annoncées va aider aussi. Ils vont pouvoir délier un peu tout ce qu'il y a à amener ou à clore, enfin, les arcs à fermer, ce genre de trucs. Enfin, ils vont pouvoir s'amuser avec le reste des séries. Ouais, c'est soit ça. Sur ce qu'elle veut faire. Quoi. C'est soit ça, Matt, soit ils vont foutre des références dans les autres séries partout, quoi. J'espère pas, mais bon, on verra bien. Moi, je leur fais confiance là-dessus, voilà. Là, ça m'a saoulé pour la saison 4, 2, pardon, pas du tout 4. Mais bon, on verra bien comment ça va se goupiller, mais c'est vrai que voilà, t'as parlé de Resistance tout à l'heure, Grushkov. C'est là où c'est une série qui, je trouve, avait une force, c'est qu'en fait, Resistance, mis à part les liens avec l'épisode 7, tu suis vraiment, t'as plein de nouveautés dedans, t'as des nouvelles races, t'as des nouveaux personnages, enfin t'as plein de nouveaux trucs dans Resistance, et c'est vrai que c'est là où c'est une série qui marche bien, et je pense qu'ils gagneraient à s'inspirer de ça. C'est vrai. un petit mot pour la fin, tout le monde. Funeli, est-ce que tu as un petit mot à dire? Alors j'en ai deux, ouais. Attends, je te laisse choisir. Il y en a deux qui se battent, mais lequel tu trouves le plus important? La madame. La madame. J'ai fait mon choix. Ximnut, un dernier petit truc. Je pense qu'on a tout couvert et pas vraiment de choses à ajouter. Super. Merci de ton ton honnêteté. Matt ? Ne me demande pas, je vais repartir pour 2 heures, moi. Non, mais vivement la suite, quoi, simplement. J'ai hâte, ouais. Moi, personnellement, de voir la suite. Vous pensez que ça arrive à la fin de l'année, là, ou début de l'année prochaine ? La fin de l'année, c'est pas The Book of Boba Fett. Ouais, à la base, ils étaient, a priori, censés sortir les deux en même temps, mais a priori, ce sera Boba et après... Okay. Et après Mando, effectivement. Ça me semble plus logique. S'ils avaient décidé de le faire comme ça, je comprends, mais c'est vrai que ça me semble plus intéressant d'attendre. Tuki. Oui. Voilà. Et Adrien, je sais pas si t'as dit des trucs, mais c'est pas très intéressant. Il va encore dire on le voit pas. Je suis pas très d'accord parce que gros. On va pas dans l'épisode 1. Allez, bande d'orageux. Bolossé Adrien, telle est la voix. Au revoir tout le monde. Telle est la voix.